Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Avant de commencer l'émission, à proprement parler, je fais quelques petits rappels auxquels vous êtes habitués. Je vous rappelle donc que nous sommes présents sur Gab, ainsi que sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle. Et puis, il y a un canal Telegram, toujours à l'adresse Oremus officielle, qui nous fait le plaisir de nous partager, donc merci. Et je vais commencer tout de suite par la présentation des membres, une petite surprise à la fin. Je commence par Dédé. Salut Dédé, comment ça va? Loué soit le bon Dieu, bonjour à tous, écoute, ça va très bien. Elzinko est avec nous aussi, comment ça va Elzinko? Écoutez, ça va très bien, j'implore que le Seigneur surveille ma langue en particulier pour que je ne dise pas trop de conneries. Bonne émission à tous. Rex aussi est avec nous, Rex, comment ça va? En direct du Altra distant comme toujours, et puis prêt à envoyer des bons propos dans les esgourdes des goïmes catholiques. Ah, et puis je vous annonçais la petite surprise, c'est qu'un nouveau chroniqueur est parmi nous, Belloc, bienvenue à toi Belloc. Here comes a new challenger. Bonjour Bobby, bonjour à tous. Écoute, merci pour votre chaleureux accueil. Que Dieu nous garde dans cette émission. Et puis prêt pour un nouveau Saint-Empire, quatrième du nom. Alors, Belloc, rien à voir avec l'écrivain anglais très antisémite, bien sûr. Aucun rapport. Oh, rien du tout. Ça m'est passé par la tête comme ça. Le hasard. Pur hasard, ouais. Très bien, messieurs, je vous propose de commencer direct avec le sujet qui nous intéresse. On va parler d'un petit sujet un peu rigolo, et puis qui va nous permettre d'aborder des sujets un peu plus sérieux par la suite. Le petit sujet rigolo, c'est, on va dire, la polémique. Peut-être que vous avez vu ça passer sur le forum jeuxvideo.com de 1825, nos amis qu'on salue. La polémique qui a entouré la militante identitaire Thaïs Descuffon, adresse à un public nationaliste, donc j'imagine que vous connaissez cette personne, qui était militante donc, dans Génération Identitaire, qui était même porte-parole du mouvement avant la dissolution. Et qui, depuis on va dire, quelques semaines, quelques mois, a décidé de laisser tomber les questions identitaires pour parler du sujet des relations hommes-femmes. Et la polémique, je vais la résumer très rapidement, et la polémique a enflé parce qu'elle a décidé, finalement, vu qu'elle a un public extrêmement masculin, on va dire peut-être à 90-95%, si ce n'est plus, elle a décidé, en fait, de se faire un petit peu d'argent sur son public en proposant une formation à 20 euros par mois, 50 euros par mois, donc ça commence un peu à piquer. Je donne maintenant 10 euros moins cher pour former ces gens-là, pour leur apprendre à conquérir des femmes, à sortir du célibat. Ça fait un petit peu cher, surtout que la formation, elle a fuité. Donc les gens, ils se sont rendus compte que c'était vide, en fait. C'était niaise. La merde. C'était une arnaque. Faut pas que je prenne de précautions de langage, c'était une arnaque. Donc, d'aucuns se sont dit, est-ce que cette jeune femme, très jeune femme, qui se permet de donner des leçons de coaching, n'essaierait pas, en fait, de s'enrichir sur le dos, sur la misère affective et sexuelle de son public, finalement, de ses clients, devrais-je dire. Mais non, c'est pas possible, ça, Bobby. Les femmes, c'est des anges. Ah, d'accord. Des princesses, voilà. Moi, la Jewish princesse, je l'assume complètement. Cette histoire, comme je pense, comme tout le monde, a indigné nombre d'entre nous. C'est très à la mode de nos jours de se faire de brouter comme ça de l'argent avec du contenu comme ça un peu pourri. On dirait elle propose même des appels, je crois, à 200 euros ou je sais plus quoi la demi-heure. Enfin, c'est putain. Ce qui indigne tout le monde en fait à juste titre, c'est que moralement, on sait très bien que parmi tous les de la mouvance nationale, etc., il y a beaucoup de un peu partout de la misère affective. Et voir ce genre de femme qui, en plus, a 24 ans, pas mariée, pas d'enfant, se permet de faire la morale à des gens qui sont un peu en misère affective et jouer un peu de son image comme ça pour gratter des sous et pour produire un contenu qui est du néant pur. Hein. Bah, elle vend un e-book, je ne sais plus combien, faudrait me rappeler le prix, mais enfin, je veux dire, tu payes 50 centimes la page blanche. Voilà, mais tu deviens dominant. Franchement, moi, j'ai envie d'être dominant, mais en restant gentil. C'est le titre, en effet. Alors, 37 pages, e-book. Déjà, tu vas prendre des pages. Ouais, c'est dingue. Il y a un quart des pages, c'est des images, des gros titres, du blanc aussi. Police 54. Ouais, ça coûte 10 euros. Et 10 euros au lieu de 20, donc c'est quand même une offre. Allez-y les gars, foncez. Toutes ces images générées par l'IA, là. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas foulé comme boulot en plus. C'est insupportable. C'est vraiment pas travaillé du tout. En plus, c'est du marketing grossier. Si vous prenez pas assez vite, on va vous faire payer l'abonnement 50 au lieu de 20, tu vois. Enfin, c'est... Ah, maintenant c'est réglé d'ailleurs, c'est 50 balles. Hein. 50 euros par mois. Au moins c'est clair maintenant. Voilà, c'est l'arnaque. Attends, mais c'est quoi cette histoire d'abonnement? Parce que t'as le bouquin et genre, admettons, ok, d'accord. D'ailleurs, j'avais pas envie de le faire. Je prends l'abonnement, 50 euros par mois. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tout ce que je veux, c'est du pognon, du fric, de l'oseille. Aussi, si tu me donnes 400 balles, je m'en contenterai. T'as le droit peut-être de parler à Thaïs sur Internet. Et elle va te donner des conseils parce qu'elle a 24 ans, qu'elle sait des choses. Puis c'est une femme, en fait, c'est son meilleur argument de vente, c'est quoi? C'est « Je suis connue sur YouTube, j'ai plein de likes, plein de commentaires, et ouais. Je suis une femme, donc donnez-moi votre argent. » C'est qui cette fille? Enfin, elle sort d'où? Tu l'as dit, c'était la... C'est quoi, la porte-parole de Génération Identitaire, c'est ça? C'est ça, ouais. Grosso modo, oui. Pourquoi elle a été choisie? Elle a été choisie parce qu'elle était particulièrement brillante, parce que... C'est une femme, elle n'est pas trop moche, et puis donc, du coup, le mouvement s'en est servi comme ça, comme une potiche, et puis elle a cru qu'elle était importante. Et le problème des femmes, c'est que quand vous commencez à leur dire « attention, ce que tu racontes, ça peut être intelligent », alors déjà, je ne sais pas si ça arrive très souvent pour les femmes, mais elle y a cru, quoi. Bah, on lui donne de l'attention, donc elle y croit, ça c'est sûr. Hein. Et puis bon, faire du Alain Soral 10 ans après en moins bien, si toi demain tu essayes de faire comme elle, bah c'est sûr qu'à la place tu fais 50 vues parce que t'as pas 9000 crève-la-dalle qui sont prêts à cliquer sur le bouton like en bas de la vidéo, ça c'est sûr. Hein. Ça, la grosse différence. C'est-à-dire que pourquoi les gens ils faisaient attention à elle quand elle était Génération Identitaire? C'était une attention sexuelle. D'accord, c'est comme le même principe de la pub, pourquoi on met des femmes jeunes partout? Parce que ça attire l'attention. Mais ça attire pas l'attention intellectuelle, ça attire pas la raison. Pourtant, dans un mouvement politique, on s'attendrait plutôt... c'est plutôt ça qui est important. Donc, comme toutes les femmes, en fait, elle, c'est une droguée de l'attention. J'ai jamais été un grand fan de cette fille-là. J'ai même regardé ses vidéos, mais j'ai vu que voilà, elle a un renom, entre guillemets, dans nos milieux. Je connais des gens, des mecs qui... Voilà, ils me parlent de Thaïs. Bon, comme par hasard, ils sont un peu en galère, tous ces plans-là. Et elle profite de ça. Les femmes, leur drogue, l'équivalent, c'est la vanité, en fait. C'est l'attention. Elles aiment, elles aiment attirer l'attention, qu'on les regarde, qu'on leur dise qu'elles sont jolies, etc. Et la société moderne, en fait, leur donne la possibilité de gagner du fric, en fait, avec ça. En un quart d'heure, j'ai gagné 500 balles. Mais comme je te connais, t'as une remise. Et avec un sac sur la tête, il y a encore une réduction. Donc, on a les sites comme OnlyFans qui sont très en vogue. Je sais pas si vous savez si c'est répandu en France autant qu'aux États-Unis, d'ailleurs. Là, c'est OnlyPigeon et c'est Thaïs qui rafle pour l'instant. C'est le même principe qu'OnlyFans, en gros. Voilà, tu montes, tu te filmes. Bon, souvent, c'est la pornographie, elle se filme à poil, etc. Mais les mecs, ils payent un abonnement. C'est OnlyFans. C'est que les fans qui peuvent voir son contenu, entre guillemets. Oui, là, c'est l'abonnement premium, quoi. C'est un peu ça. C'est un abonnement premium pour pouvoir, la regarder dans des vidéos spéciales ou alors parler avec elle. C'est de l'hypocrisie. Hein. C'est du féminisme. Parce que ça, le pire, en fait, chez elle, c'est qu'elle se présente comme une anti-féministe. Mais elle se comporte comme une féministe concrètement. Oui, parce que tu fais miroiter 5000 bonhommes qui y croient, en plus, bêtement, alors qu'ils ne la verront physiquement jamais. Et tu dis bien sur les deux points un peu principaux des hommes et des femmes, puisque les hommes, il y a l'aspect charnel et l'orgueil, surtout. Là où les femmes, c'est plutôt en effet l'attention ou la jalousie, les défauts principaux des sexes. Quoi. Ça va être dur pour l'avoir, parce que déjà, il faut avoir les sous quand même pour l'avoir. Hein. Mais ça, je m'en souviens encore, rien que d'en parler, je l'ai là, il me dit, on se rejoint au café de Flore. Je dis, mais comment ça, on se rejoint? Genre, tu viens pas me chercher? Ah oui. Carrosse. C'est pas donné que... à tout le monde, hein, quand même. Hein. Madame est issue de la bourgeoisie, c'est vrai que ça n'est pas un secret. Oui, et en plus, faut donner de l'argent à Damien Rieu à côté. Quoi. Et donc à l'État d'Israël. Évidemment, au Likoud même, directement. J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandante Tour. Le gars, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais. Je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement. Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles, le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Non, j'ai envie de dire que la situation elle est assez cocasse parce que je pense que cette jeune femme, elle ne serait pas passée par les identitaires, etc. Je pense effectivement qu'elle aurait directement ouvert un compte Mime ou OnlyFans pour proposer des contenus pornographiques directement et se faire plus d'argent, quoi. Mais comme elle a quand même une réputation à tenir, peut-être, comme tu dis, une famille bourgeoise, peut-être limite catholique, en tout cas de culture, elle ne peut pas faire ça. Du coup, elle se rabat sur autre chose, mais elle exploite effectivement la misère affective. Et en fait, comme tout ce qui est lié un petit peu à la génération identitaire, il y a un peu un goût de judaïsme derrière cette exploitation du goy. Pleurer face à la caméra pour tirer les larmes du goy et lui faire les poches. Et voilà, donc elle représente bien ça, donc la culture du néant, du vide, comme dirait B2O, toutes ces influx voleurs, ces choses comme ça. Moi, le conseil que je peux donner aux camarades qui nous écoutent, aux jeunes hommes, c'est surtout ne prêter aucune attention aux femmes. S'il y a une seule femme à qui vous devez prêter attention, en fait, c'est votre future femme à vous. Et le reste, c'est vraiment de la merde, quoi. L'amitié homme-femme n'existe pas. Et là, petite anecdote par rapport à ça. Donc, Thaïs, ouais, elle se dit anti-féministe. Et du coup, elle avait fait une vidéo avec Stéphane Edouard. Vous savez, là, l'espèce de métisse là, qui est assez marrant de temps en temps, qui fait un peu de temps en temps du soral. Bon, quand même en version wish, on va dire, entre guillemets. Dans cette vidéo, il avait demandé à Thaïs, une fois qu'elle avait fait sa logorée anti-féministe, il avait dit, bon, bah, dans ce cas, tu vas me préparer le café, quoi. Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire deux petits cafés. tu prends un café, Hugo? Trois, s'il te plaît, Thaïs, trois. Et là, bah, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est typique de lui, ça. Ouais, bah, c'était excellent. Et elle n'y est pas allée, j'imagine. Mais elle était gênée, quoi. Vraiment, elle savait pas comment réagir. Elle était bloquée, quoi. Pourtant, la cuisine est juste à côté. La place de la femme, c'est à la cuisine. Alors, pour vous donner un aperçu, en fait, alors c'est une information qui est totalement publique, hein, je ne vais rien révéler de secret. Son nom complet, donc, c'est Anne Thaïs du Tertre d'Escoffan, et elle est issue d'une famille, aristocrate, qui a d'autres avis, sachant qu'elle a complètement laissé tomber ce genre de truc. Ce n'est pas pour ça qu'on parle d'elle dans ces termes, hein, à la limite, ça la regarde. Ce qui est gênant, c'est... Ça me vole, en fait. Hein. On parle de... C'est d'accord, mais et de famille tradie, ça, je savais pas, par contre. Ouais, alors, Cato tradie rallié, si mes souvenirs sont bons. Là, par contre, c'est l'information, je suis pas sûr de ce que j'avance. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Ah, d'accord, mais c'est encore plus intéressant que ce que je pensais, parce que moi, j'ai réfléchi à cette histoire de Thaïs et qu'est-ce qu'elle représente, en fait. Et pour moi, ce qu'elle représente, c'est que, en gros, aujourd'hui, les femmes, toutes les femmes, par défaut, sont féministes. Absolument toutes. Et même celles qui se prétendent anti-féministes. La féministe, en gros, c'est quoi ? C'est celle qui prétend que la femme est l'égale de l'homme. En fait, au fond, elle prétend que la femme doit dominer l'homme. Hein, c'est ça qu'il y a au fond. Et que la femme n'a pas besoin de l'homme, fondamentalement, pour vivre. Alors que c'est faux. Femme sans l'homme, elle crève comme un rat. C'est encore vrai aujourd'hui, parce que c'est... Ces femmes comme Thaïs, parce que Thaïs, du coup, elle n'est pas mariée, donc elle vit, là, elle gagne de l'argent avec tout ce qu'elle est en train de faire, donc elle peut louer un appartement, elle peut faire à peu près tout ce qu'elle veut, avoir l'impression d'être libre, de dépendre de personne, ce qui est la définition d'une féministe, sauf qu'elle dépend entièrement des hommes. Bon, déjà, là, pour le coup, c'est des hommes qui lui donnent du fric, donc elle arnaque, donc elle dépend directement d'eux, mais ces femmes-là, elles jouissent d'une société qui est entièrement construite par les hommes, tout ce qui est infrastructure, logistique, route, bâtiment, logiciel. Ouais, même chez les développeurs, d'ailleurs, puisque avec les applications numériques, on est en plein dedans. Oui, c'est des métiers qui sont... tous les métiers durs comme ça, où il faut vraiment réfléchir, sont à 90, qui sont essentiels à la société, sont réalisés par des hommes. Alors oui, après, sinon, elles sont dans le marketing, quoi, les trucs comme ça. Oui, dans les bullshit, les salopes du tertiaire. Des RH aussi. <c'est rire> Ouais, je vois que ça cite encore le philosophe Booba. Ouais. Les DRH sont particulièrement insupportables. Moi, je tiens à insister là-dessus. Si j'ai pas eu de boulot au début, c'était à cause de DRH femmes. Hein. Ah ouais, vas-y, raconte. Bah en fait, quand je passais les entretiens d'embauche, au début, juste après mes études. Béloc, t'es sûr que c'est pas à cause du brassard croix gammée? T'étais sûr, hein? Ah non, bah... c'était pour être vigile, vigile, ouais, ça passe mal. Ah, non, j'avais dû oublier de l'enlever, quoi, je me suis mal réveillé. Ouais, mais il devait rester à la marque du boulot. Voulais retourner juste le côté rouge, mais non. Ouais, ouais. Et bah, en fait, il y avait toujours une DRH femme derrière en train de gratouiller. Et alors qu'en fait, je m'entendais très bien avec la personne devant moi, en fait, ça se passait très bien et j'ai jamais eu de poste. Ah ouais, d'accord. Et tu avais échangé avec elle, genre tu avais fait un entretien où elle te posait des questions en bois, j'imagine. Elle t'a fait de la mauvaise pub, quoi. Oui, mais c'est incroyable. Alors que pourtant, ça se passait bien avec l'autre personne qui voulait me recruter. D'accord. Ouais. Bon, une petite anecdote comme ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est que les femmes, elles ont une influence sur les décisions, là. En faisant un petit sourire, quoi, ouais, ça passe un peu mieux. Ouais. Oui, et elles font souvent au bénéfice des femmes, en fait. Les DRH, elles vont avoir tendance à favoriser, voilà, s'il y a un candidat femme, un candidat homme, elles vont avoir tendance à favoriser les femmes. C'est la même chose pour les magistrates. C'est la même raison pour laquelle, si tu es en instance de divorce et que tu veux avoir la garde de ton enfant, bah, tu ne l'auras pas. En France, je crois que le père, il a l'enfant à peu près à 10% du temps. Et la femme, ouais, c'est 70% deux, du temps. Un truc comme ça, ouais. Mais pourquoi ? Parce que c'est que des magistrates, en fait, à 70%. Bah après, dans cette volonté un peu de domination de la femme, bon, et que la société permet, vu qu'elle est antipatriarcale, bon, je pense qu'il y a deux petits trucs à distinguer où, d'un côté, il y a l'égalité, le fait d'en profiter, comme ça on peut faire condamner n'importe quel bonhomme pour rien, genre il a refusé mes avances, je le dénonce comme violeur, voilà, ça marcherait bien ça. Mais il y a aussi l'aspect un peu, bon, assez naturel aux femmes aussi, qui est de, à un moment donné, de régenter un petit peu la vie de leur homme et de vouloir un peu le faire de plus en plus des fois. Comme elle nous nourrit notamment. Cuisine ! Voilà, elles ont un petit contrôle sur notre alimentation. Et ça, il faut faire attention à ce que ça déborde pas trop. Et c'est là où nous aussi, on doit tenir notre rôle. Oui, mais ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. Ça montre que les femmes, même dans leur relative position de faiblesse physique et intellectuelle, elles ont toujours trouvé des moyens d'arriver à tirer leur épingle du jeu. Enfin, ça se voit bien d'ailleurs dans l'histoire sainte. Hein. On voit bien que dès le début, même l'histoire d'Adam et Ève, elle a forcé la main en gros à Adam dès le début, alors qu'ils n'avaient même pas leur volonté affaiblie par le péché originel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement, ce jour-là. Donc si en plus derrière, vous rajoutez toute une société, toute une législation, toute une magistrature qui, en gros, condamne l'homme a priori et va favoriser la femme derrière, en fait, elles sont en roue libre. Elles sont en roue libre, elles craignent plus du tout l'homme. Elles deviennent des tyrans, en fait. Pour moi, dans la société, les deux plus grands tyrans, c'est un, les juifs, et deux, les femmes. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés ? À peu près pour les mêmes raisons. On dirait du Otto Weininger. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, les femmes, elles ont besoin d'avoir un mur. C'est comme les enfants. Si elles savent pas qu'il y a une limite, il faut qu'elles aillent chercher. Il faut qu'elles aillent voir, qu'elles voient si elles peuvent dominer ou pas. Et vu qu'il n'y a plus de limite aujourd'hui, bah, c'est compliqué. Effectivement, ouais. Les premiers fautifs, ça reste les hommes, en fait. C'est qu'elles exploitent notre faiblesse, mais elles exploitent une faiblesse. À partir du moment où on ne combat pas cette faiblesse, voilà, comme on a parlé un petit peu tout à l'heure, des vices qui sont propres aux hommes, malheureusement, et bien, en fait, c'est la porte ouverte à tout. Et ça, Thaïs, elle le sait bien, elle exploite cette faiblesse. Mais finalement, ça a été un mauvais calcul pour elle, parce que si un jour, elle essaie de mettre en pratique ce qu'elle prêche et qu'elle veut vraiment se marier avec quelqu'un, un homme sérieux, mais aucun homme sérieux ne voudra d'elle, simplement parce que c'est une prostituée, en fait. En tout cas, qu'elle agit comme une prostituée. Putain ! Oui, c'est plus ou moins de la prostitution, quand même, de vendre son image, quand même, même si elle ne se montre pas et tout ça. Ça reste quand même ça. Mais là, le fait de s'adresser directement à des hommes et ces hommes qui entretiennent toute cette pigeonnerie, c'est clair que c'est bien plus grave, quoi, et bien plus dégénéré. Alors, messieurs, si vous avez si vous avez trop d'argent, parce qu'il est possible d'acheter sa formation, 50€ par mois, les books et tout, vous pouvez aussi faire des dons, voilà, parce qu'elle appelle aussi à des dons. Oui. Puis des dons intéressants, tu vois, parce que si tu vas sur la page des sites, c'est des dons à 500, 1000, 2000 euros. On propose des montants comme ça. Non. Donc, bah, n'hésitez pas, si, je vous assure, je vous promets, 2000 euros, pour, en échange de rien. Hein. Alors que les dons associatifs, il faudrait les garder pour, je sais pas, financer les soins de Laurent Glosi ou de Jean Robin, par exemple. Breivik, lui, son manifeste, il est essentiel, parce que déjà, il est anti-marxiste. Parce que voilà, c'est ça le grand truc, c'est comme Breivik est de droite, pour pas dire d'extrême droite. Bah Breivik, voilà, pour moi, c'est pas vraiment l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. C'est parce que Breivik est de droite, ils vont dire d'extrême droite, on s'en fiche, il est de droite. Donc moi, je le classerais plutôt à l'extrême gauche, Breivik. À l'étranger, voilà, on a Breivik, très clairement, d'extrême droite, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, voilà. 1 000 euros, mais en fait, une fille qui fait ça, elle devrait être couverte d'eau propre, elle devrait plus jamais sortir de chez elle, en fait, après... Mais je suis sûr qu'il va rien se passer, en fait. Là, on en parle même pas. Tu sais, 2-3 jours après avoir fait son annonce, là, où elle proposait sa formation payante, elle publie sur son compte Telegram des photos d'elle dans un bal en Autriche, très très huppé, ça se voit, elle porte une belle robe de soirée et tout. Les gens dans les commentaires, au lieu de dire « Attends, tu te moques de nous, là, c'est notre argent et tout, etc. En fait, tu te sers de nous. » Non, non, les mecs étaient tous en mode « Oh, qu'est-ce que tu es belle, la nouvelle Jeanne d'Arc. » Les simps, quoi. Les simps. Ceux sans qui... Ben justement, oui. Sans ceux sans qui tout ça serait pas possible, en fait. C'est celui qui adule servilement la femme ou un autre être et qui cherche à lui plaire à tout prix et qui, du coup, devient la dernière des merdes, en fait. Il renie tous ses principes, etc. Tout ça pour lui plaire, en fait. Et sur le phénomène du canard, j'ai un truc à dire, c'est que c'est socialement logique, en fait, parce que vu que toute la dynamique de la société donne du pouvoir aux femmes, un pouvoir illimité sur l'homme, que l'homme est réduit à la dernière des merdes qui n'a aucun pouvoir, en fait, ça crée une situation où, en gros, la femme, c'est Louis XIV, et toi, tu es obligé de la courtiser, parce qu'en fait, si toi, tu ne la courtises pas, tu veux rester un homme intègre, que tu continues à dire ce que tu penses sur les métèques, sur les juifs, sur les femmes, etc. Ah, d'accord, vas-y, attends, est-ce qu'elle va cadrer? Eh non. Non, c'est dur. En fait, c'est une forme de handisport, quoi. Elle va te faire des gros yeux comme ça parce que ça lui plaît pas, et elle va passer au suivant, en fait, parce qu'il y aura toujours un nouveau simp, un canard qui va venir et qui va en gros se soumettre, en fait, pour avoir son attention et espérer goûter une part du gâteau, même si en fait ils toucheront jamais, comme les mecs là qui commentent sa robe de soirée, jamais ils toucheront la part du gâteau. Mais la dynamique est telle que du coup ça pousse à devenir un canard. Raison de plus pour jamais se mettre avec une gonzesse comme ça, en fait. Là, je m'adresse un petit peu aux jeunes qui nous écoutent. Ne vous mettez jamais avec une femme qui attire l'attention sur elle. Déjà, à partir du moment où elle a un smartphone ou elle a accès à des réseaux sociaux, c'est voilà. Ne vous attachez pas à elle, c'est next, quoi, tout de suite. Ouais. Choisir une femme en dehors des réseaux sociaux qui n'est pas active dessus, et ça, bon, bien évidemment, chez les femmes tradies de souche, ça existe bien. Je pense qu'on peut cibler un peu plus large quand même, avec peut-être celles qui ont eu une éducation un peu style campagne à l'ancienne, qui sont pas très attachées au numérique et à ces choses-là, ou des familles discrètes. En général, quand on voit la tête des parents, on comprend tout de suite pourquoi la fille est comme ça, hein. Ça va très vite, ça, c'est une question d'éducation. Regardez la relation au père, surtout. Je hais mon père, c'est un nazi. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? T'as pas honte? Qui c'est qui t'a nourri? Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais! Moi mon père il était charron. Et je peux te dire que sa fille est doux. Hein. Ça la mère de la batte elle mouffetait pas. Et les gamins pareil! Mais le problème, c'est que oui, dans la tradition, on va trouver des femmes qui sont pas tout le temps sur la smartphone, etc. Mais ça va être quoi? Ça va être ça va être 0,0001% de la population. Et vous avez beaucoup, là, parmi nos auditeurs, on doit avoir des jeunes. Ils sont pas forcément issus de la tradition. C'est peut-être des convertis, c'est peut-être même encore des païens. Eux, ils sont en plein milieu ils sont en première ligne, quoi, où il y a toutes ces femmes qui sont toutes branchées sur Instagram, elles sont toutes à regarder leurs likes, etc. Elles reçoivent une attention de malade de tout le monde, en fait, de tous les mecs. Putain ! Il y a que si vraiment elle est dans une autre société, ce qui représente un peu encore le Tradiland. Tradiland, c'est un peu comme un autre conformisme, une autre société où les femmes s'y adaptent, du coup. Mais c'est exactement, en fait. C'est exactement ça. Elles sont conformistes de leur milieu, là, pour le coup. Donc, si le milieu est bon, ça va déjà beaucoup mieux. Mais après, il en suffit que d'une seule, j'ai envie de dire. Donc, il faut aller la chercher maintenant. C'est un peu délicat, quand même. Oui, Azinko, tu parles de 0,001% des femmes. Bah, en fait, nous, je pense qu'on représente à peu près le même pourcentage d'hommes, tu vois. Donc, effectivement, c'est moins évident. Mais tu as plus de chances de rencontrer ta cunégonde sur le parvis d'une chapelle tradie ou dans ton club de randonnée qu'en boîte de nuit, on est d'accord. Hein. Oui, c'est sûr, mais bon, il faut. Au club de couture, prudent, quoi. Autant joindre l'utile à l'agréable, quoi. Je suis content, Elzinko, que tu aies avancé cet argument-là, parce qu'en fait, pour moi, la véritable, la plus grosse arnaque de Thaïs, au-delà des prix complètement dingues et des formations vides et du rapport qualité-prix, c'est en fait de faire croire que ce sont aux hommes de faire tous les efforts. Voilà, elle s'adresse à un public masculin parce que, bah, en fait, son public, en fait, c'est pas un public, c'est des clients. C'est réglé. Elle le sait que 95% de son public, c'est des hommes, surtout jeunes et célibataires. Et la plus grosse fumisterie, c'est ça, parce que c'est bien sûr les femmes qui sont en charge de la. Comment traduire ça, in charge? Qui sont, contrôle la sexualité, c'est ça que tu veux voilà, dire? Voilà, qui contrôle le jeu de séduction. Alors, je veux bien que les types, il y a des trucs à corriger, tu vois. Tiens, lui, il est trop ci, trop machin. D'accord, personne n'est parfait. Mais c'est, on parle de la goutte d'eau, alors que ce qui a changé dans les femmes modernes, c'est vraiment l'océan, quoi. Oui, c'est l'hypergamie, en fait. Elles ne sont pas du tout attirées par les hommes normaux, en fait. Enfin, ces femmes-là, par 85% des hommes, ne les intéressent pas du tout. Ça se voit d'ailleurs sur les applications de Tinder et ce genre de choses. En fait, il n'y a que le top 10% des meilleurs statuts, des meilleurs salaires, ou voilà, des mecs comme ça qui attirent l'attention. Les autres, en fait, ça, c'est les sims, quoi. Ils sont là, au pire, pour récupérer une fois qu'elle a un gosse et que le mec s'est barré, ou ce genre de choses. Mais sinon, avant ça, ça ne les intéresse pas du tout qu'ils aient un jean slim ou pas slim, en fait. C'est ça le mensonge. Bah, après, blague, ça donne... Est-ce que tu peux expliquer cette blague du jean slim? Ben, apparemment, ça coûte 50 euros, cette information. C'est une des informations qui aurait été donnée, directive pour devenir dominant, donnée par Thaïs à des gens qui avaient payé les 50 euros, justement. Elle leur a expliqué qu'il fallait le grand secret, pour pouvoir attirer une blonde de 21 ans et qu'elle lui donne 4 enfants. C'était de ne pas avoir des jeans slim, en fait. La grande erreur des hommes, c'était d'avoir des jeans trop serrés. Heureusement que j'ai payé 50 euros pour avoir droit à ça, ouais. Ah, bah non, mais c'est au bout du quatrième mois, donc t'en es à 200 euros à peu près. Mais ça le vaut pas. C'est peut-être des pantalons et une jambe. Hein. C'est presque ça, ouais, c'est clair. 50 euros et à la fin, c'est Christian qui se fait avoir, quoi. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent 1$. Tu les veux ? Formidable. » David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, 2$. Tu les veux ? Formidable. » Jonathan téléphone à Shaul qui lui propose 3$ et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et lui dit « J'ai une affaire formidable pour toi. » Des pantalons, 49$. Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant, écoute, tu es vraiment un escroc. Comment je suis un escroc? Mais si, écoute, tu m'as vendu 49$, des pantalons immétables, que tu racontes. Ça, tu sais très bien, j'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met des pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Mais bon, après, tu dis ça, mais t'as plus de fric après à ce moment-là pour te racheter un autre pantalon. Donc, dans tous les cas, c'est mort. Son modèle économique m'interroge beaucoup parce que c'est un abonnement annuel ou mensuel. Donc, en fait, c'est son intérêt que les gens ne trouvent pas une femme. Comme ça, ils continuent à payer. Bah oui, oui. Bah oui, bah oui, sinon, ils se désabonnent dans la seconde, c'est clair. Ils viennent tous pour ça. Ouais. C'est une horreur. Et en fait, on les critique pas mal sur leurs critères, mais en fait, elles sont plus complètes que nous sur leurs choix. Nous, en général, c'est critères physiques en première place, si c'est pas le seul critère. J'exagère, mais c'est presque ça. Alors qu'elles vont certes faire... Faut pas trop qu'elles parlent. Non, alors là, je vous arrête, il est hors de question que je parle de moi. Je préfère encore me taire. Le silence est le plus beau bijou d'une femme. Il est vrai qu'elle le porte rarement. Alors que là, bon, elle, en effet, vous l'avez dit, un peu l'argent, la célébrité, mais oui, aussi le vocabulaire. C'est quand même, hein, leur considération. Oui, mais quand même, le vocabulaire, les vêtements, c'est un tout quand même. Et même l'attitude, je pense, elles attachent un intérêt assez fort là-dessus, quoi. Oui, la soumission. On serait 0,001% de la population, mais en fait, c'est parce que l'homme est déjà défait, quoi, au niveau de la société. C'est-à-dire que, par exemple, sous la Troisième République, à l'époque, ils s'attaquaient d'abord aux hommes, en fait, pour détruire la famille. Ils s'arrangeaient pour que les hommes aient des loisirs, vous savez, les développements des cafés, de tous les loisirs de l'époque, de faire travailler les femmes à côté, au travail de nuit, parce que les salaires n'étaient pas gros. Et en fait, ils ont détruit l'homme par la pornographie déjà à l'époque, par tous ces loisirs. Ouais, tu veux dire qu'ils ont détruit le chef de famille et après ils ont pu attaquer le reste du coup. Oui, mais en fait, ils l'ont fait insidieusement, c'est-à-dire qu'au niveau de la loi, ça restait le chef de famille, etc. Mais en fait, Monseigneur de la Suisse, il en parle très très bien dans la conjuration de ce sujet-là justement. Il dit que c'est l'homme qui a été attaqué en premier. Et ensuite, la femme, bah, comme l'homme commençait déjà à dégénérer, bah, on lui a obligé à travailler de nuit parce qu'il fallait bien s'occuper des gosses, donc le jour était à la maison. Ensuite, il y a tout le XXe siècle. Voilà, 70, je crois, c'est la suppression du chef de famille. Ensuite, le divorce, je ne sais plus, là, de Giscard, là, en 75. En fait, tout a été fait pour réduire en fait, le rôle de l'homme en fait, dans, le, dans la famille. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on peine quand même à se faire respecter hein, en tant qu'homme, c'est pour ça. Pourquoi vous venez ici et de préférence avec votre fils ? Parce que c'est un endroit masculin où on est entre hommes, et comme j'ai un fils, c'est un garçon, bah, pour lui c'est une bonne chose parce que je ne suis pas en contact avec toutes les lesbiennes, les putes et les salopes du MLF qui ne pensent qu'à toucher des pensions alimentaires, des prestations compensatoires, après avoir pris les enfants en otage par le biais des ayatollahs du palais de justice. Si vous voulez, des Thaïs, il n'y en aurait pas. Si on est, si on n'était pas défait. Oui, si on était dans ouais, bien sûr, ouais. C'est vrai que c'est une bonne explication. Et même les, le régime communiste, si on regarde les textes des années 20, etc., sont archi dégénérés. Il faut vraiment ficher en l'air la famille et tout ça. Et finalement, ils ont été plus préservés que l'Occident démocratique. Pourquoi ? Parce que pour les besoins impériaux, pour les besoins de, d'extension, de puissance et tout, finalement, il fallait promouvoir et défendre une politique naturelle. Même Staline, en 1941, commence à reparler de la Sainte-Russie, etc., pour essayer de chercher des soutiens et un socle véritable sur lequel s'appuyer. C'est-à-dire, juste par pragmatisme, bon, en fait, voilà, la dégénérescence, c'était nos principes, mais on les met doucement de côté parce que sinon, la Russie est fichue, quoi. Si on est un peu logique, on arrête. Ils ont même interdit l'avortement en Russie momentanément dans les années 60. Bon, je pense qu'au Goulag, il y a eu quand même une belle épuration de population. Donc, il fallait quand même repeupler tout ce pays. Alors que c'est le premier pays, la Russie, à l'avoir légalisé en 1920. Oui. Et la République de Russie, de l'URSS, particulièrement. Même l'Union libre, en fait. Hein. Ils ont autorisé l'Union libre très tôt là-bas. Ah, oui. Et ça s'est transformé, la société s'est transformée en bordel très rapidement. Il y avait notamment une femme, une féministe, Kollontai, qui était une figure majeure de ce mouvement-là. Oui, très connue. Oui. Et ils se sont rendus. En fait, ils ont fait marche arrière. En fait, Lénine l'a fait marche arrière parce qu'il s'est rendu compte que la société, elle se dissolvait complètement. Ils ont clairement fait marche arrière et après, elle est tombée en discrédit. Je voulais revenir sur ce que tu disais du livre de Mgr Henri de Lassus, qui a joué un grand rôle pour chacun de nous. Sur ce sujet-là, il parlait aussi de divulguer les papiers de la haute vente des sociétés secrètes Carbonari, au-dessus des Carbonari en Italie. Et il parlait aussi d'atteindre l'homme par la femme, parce que l'homme, il avait plus tendance à être facilement, avoir une vie dissolue, ce genre de choses. Et à l'époque, les femmes étaient beaucoup plus pieuses. Elles étaient beaucoup plus régulières à l'église, etc. Ouais, comme on dit, le dimanche matin, c'était l'homme au bistrot et ouais, la femme à la Sainte-Messe. Voilà, mais donc la femme, elle avait quand même tendance à exercer une influence plutôt salvatrice sur son mari si elle restait pieuse. Et disons que la subversion s'en est rendue compte. Donc, ils se sont. Une de leurs priorités, c'était de corrompre la femme afin de corrompre l'homme. Et. Alors aujourd'hui, on est clairement dans une société où on a des femmes complètement corrompues. Et c'est une histoire très ancienne, en fait. Le diable, c'est toujours pour atteindre l'homme qui est par définition plus fort, toujours passé par cet être plus faible et de charme et d'émotion qu'est la femme. Ce que vous préférez chez Coraline ? Tout. Tout ? Il n'y a pas un morceau que tu préfères ? Ce que vous n'aimez pas beaucoup chez Coraline ? Oh, mais comme toutes les femmes, elle est... Hein ? Elle est casse-couille. D'où l'importance de la pornographie, en fait, parce que si tous ces gens-là, aujourd'hui, sont en chien sur son compte, lui envoient 50 euros, etc., s'ils se font les esclaves de Thaïs, c'est parce qu'ils sont, en premier lieu, les esclaves de leur pulsion sexuelle. Ils ne sont pas devenus maîtres de leur sexualité, en fait, c'est ça, au fond. À cause de, bon, oui, c'est sûr, la pornographie, ça facilite beaucoup la chose. Voilà, c'est essentiel dans le système de contrôle de l'homme blanc. Et donc, au final, oui, c'est sûr, si l'homme blanc, il se contrôlait lui-même, il n'y aurait pas d'éthéisme. Bon. Oui, parce qu'en fait, c'est des hommes de principe, voilà, comme les catholiques de tradition, ou même des hommes, il peut y en avoir aussi qui en ont au-delà. Hein, même. S'il y avait beaucoup de ce genre d'hommes, bah, on n'aurait pas des Thaïs, on n'aurait pas toutes ces femmes qui se comportent comme des garces. Ce ne serait pas le paradis non plus. Hein, mais la pornographie, elle fait disparaître tout jugement, en fait, détruit l'âme, ça détruit l'imagination, ça rend dépressif, ça c'est vraiment un outil de destruction vraiment de masse, puisqu'en plus c'est maintenant c'est gratuit, c'est à foison, c'est, et voilà, il y a des gens qui, on sait, voilà, qui sont de la maille dessus, en plus, par dessus le marché. En fait, Thaïs, c'est vraiment qu'un symptôme de cette société complètement décadente, quoi. Nous, voilà, tout ce qu'on peut te dire, Thaïs, si tu nous écoutes, on espère que tes canards, là, ils vont être choqués, ils vont t'envoyer l'émission. Il y a des gars, ils parlent mal de toi, nanana. Et bah, c'est ferme ta gueule, arrête les réseaux sociaux, marie-toi, trouve-toi un mari, bah, qui voudrait bien de toi, fais des gosses, et puis voilà, c'est tout ce qu'on te demande, et c'est ce que tu pourras faire de mieux pour la France, pour l'Europe et pour le bon Dieu, en fait. Surtout qu'elle est dans une démarche identitaire pour repousser l'envahisseur musulman, blablabla, vous connaissez le... C'est compliqué dans une telle démarche en étant célibataire et sans enfant, quoi. Une femme, elle a une mission, en fait, dans la vie. Une seule. Mmh. Peut-être des missions. Je vois ça comme dans les quêtes, en fait, dans les jeux vidéo, quoi. Et les quêtes annexes, d'accord. Mais elle a surtout une mission principale. Et bah là, mission échec, hein, total. En plus, ça rappelle tous les mois. Donc, elle n'a pas trop l'excuse. Ouais, mais tu peux pas faire une famille nombreuse si tu commences pas à faire des enfants dans le début de la vingtaine, en fait. C'est pas possible. Si tu commences à faire des enfants quand t'as 30 ans, ok, tu peux en avoir un, deux, mais tu feras pas, tu t'engendreras pas une tribu, quoi. Et bon, c'est de ça qu'on a besoin. Bon, le problème, c'est que les filles aujourd'hui, en fait, c'est comme des déesses, en gros, pendant leur vingtaine. Elles attirent, elles ont besoin de rien faire. C'est ça qui est passionnant, en fait, pour quand t'es une femme. Mais il y a un prix, en fait. C'est ça qu'elles se rendent pas compte. C'est-à-dire que pour un homme, pour arriver à atteindre ce niveau de réussite, entre guillemets, ça lui demande un travail monstre, en fait. Ça lui demande de devenir quelqu'un, de se construire par son travail avant d'éventuellement attirer l'attention de femmes de valeur, etc. Une femme, elle a pas besoin de faire ça. Elle a juste besoin d'être là, d'être à peu près jolie, de pouvoir faire des enfants. Et elle attire l'attention, elle a rien à faire. Et elle croit que, du coup, qu'il n'y a pas de prix, en fait, qui vient avec ça. Mais si, en fait, tu as une période de ta vie où ça, c'est vrai, ça dure vraiment, mais pas du tout longtemps. En fait, elles ont l'impression que ça va durer pour toute... Elle croit qu'elle va être belle comme ça pour toute éternité, qu'elle aura des esclaves, etc. Mais à quelle attente qu'elle ait 35, 40 ans, comme ça va se passer. Et le problème, c'est que ce sera trop tard, en fait, à ce moment-là. Il y aura une nouvelle Thaïs qui fera un nouveau compte et tout le monde ira sur... Et elle, plus personne n'en aura rien à faire d'elle. Et c'est ça qui crée des lesbiennes, c'est ça qui crée des féministes, parce qu'après, du coup, elle va être frustrée, elle va être voilà, plein d'aigreurs contre les hommes et en quelque part, ce sera bien fait pour elle, malheureusement. Ou alors, elle aura trouvé un pigeon, mais ça sera un petit peu trop tard. Oui, malheureusement. Oui, oui. Je note aussi que sur les applications de rencontre dont parlait Nzeko auparavant, même les boudins, même les boudins ont des exigences abracadabrantesques. Ouais, ouais. Elle a rien pour elle, elle n'a pas de situation, pas d'intelligence, et en plus pas de physique, et on sait à quel point c'est important pour une femme. Elle veut quand même le mouton à cinq pattes. Il faut qu'il fasse 1m95, qu'il m'emmène au resto tous les soirs, qu'il me paye un yacht. Ouais, et même si elle le trouve, au bout de 10 ans, elle va divorcer, elle va lui prendre ses gosses. En fait, on a souvent, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup de débats sur ces sujets-là. D'ailleurs, Thaïs, elle reprend de façon très superficielle quelques-uns des arguments. En fait, elle doit regarder deux vidéos et après, elle fait une vidéo. Voilà. Vous connaissez, c'est la communauté, en gros, des Red Pillers. Red Pill, en gros, ça fait référence au film Matrix, en fait, où tu prends il y a Morpheus qui tend dans une main la pilule rouge et la pilule bleue à Neo. S'il prend la pilule bleue, en gros, il retourne dans la matrice et il refuse de voir la vérité. S'il prend la pilule rouge, il voit la vérité, mais sa vie n'est plus du tout la même après, en fait. Il ne peut plus jamais retourner dans le système, etc. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Mais une communauté des Red Pillars, en gros, par rapport aux femmes, il y a les incels et les MTOWs. C'est des mecs qui ont expérimenté les femmes modernes, ils ont eu des relations, etc. Et ils se sont rendus compte que c'était un jeu perdant-perdant, en fait, pour les hommes, en tout cas, dans l'état actuel de la législation, etc. Et ils prennent la décision de plus essayer de se marier, en fait, de plus essayer d'être avec des femmes, etc. Parce qu'ils se rendent compte qu'elles te rendent fou, un peu des emmerdes, quoi. Et à côté de ça, tu as la communauté un peu des tradis. Eux, c'est leur truc, c'est le Christ Pill. C'est-à-dire, tu prends la pilule du Christ. Et eux, en fait, ils vivent un peu dans un monde de bisounours, se disent « Non, il faut se marier, c'est bien de se marier, etc. Il faut prendre des risques, c'est juste que tu n'es pas tombé sur la bonne. » Ça, tu l'entends tout le temps, « Tu n'es pas tombé sur la bonne. » Ça fait 4 fois, en fait, tu tombes sur une fille, il se passe exactement la même chose. Mais non, c'est que tu n'as pas eu de chance, tu vois. Et en fait, non, c'est pas que tu n'as pas eu de chance, c'est qu'elles sont toutes comme ça. Et les Red Pillars reprochent aux Christ Pillars, entre guillemets, d'être hypocrites et de ne pas être réalistes et de donner des mauvais conseils aux jeunes blancs, aux jeunes hommes. Par défaut, vous ne mariez pas, en fait, sauf si vous êtes dans une communauté de la tradition, ce genre de choses. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, ces débats qu'ils ont. Je trouve qu'il y a un peu la même chose chez nous, dans la tradition. On fait comme si toutes les évolutions sociétales du féminisme, ça ne nous concernait pas. Voilà, oui, voilà, les poisons de la société, ils s'arrêtent aux portes de la chapelle. Mais la preuve de Thaïs, Thaïs, tu dis qu'elle était dans une famille de la tradition, donc c'est la preuve que c'est faux, c'est que ça finit par nous influencer, nous aussi. Mais de toute façon, à un certain niveau, même certaines tradis, bon, pas celles... Enfin, pas toutes, hein, mais les femmes sont plus ou moins influencées quand même par cet esprit féministe, sans être forcément militante. Hein. De toute façon, être une féministe militante, ça rend forcément moche, hein, vous le constaterez forcément. Mais il y a un esprit quand même féministe parfois, et, ouais, et c'est cette tendance, vous savez, à, parfois, qui peut arriver, de contester, de, voilà, ouais, de se prendre pour une cheftaine, ou, voilà, alors que bon... la femme, elle sort de la côte de l'homme, c'est-à-dire que c'est une compagne, en fait. Une aide. Et elle sort pas de la tête, sinon elle serait également une chef. Elle ne sort pas des pieds, sinon elle serait une esclave. Mais en fait, c'est une compagne, une aide. Oui. Une aide assortie, ouais. Selon la formule entre Ève et Adam. Bah, le bon Dieu dit quand même qu'il n'est pas bon que nous restions seuls, nous les hommes. Surtout que moi je rejoins au moins Thaï sur ce point-là, c'est que c'est vrai qu'on est dans un combat démographique, bien sûr. Donc il y a un combat aussi à mener sur ce point-là, et malheureusement, les fausses solutions comme ça qui font perdre du temps, ça ne nous rend pas service. Ouais, mais je ne suis pas d'accord à 100% sur le côté que c'est juste une question démographique, en fait. Adolf Hitler, il en parle très bien, en fait. Il dit que quand une société, elle est plus capable... La référence absolue. Et oui, non, mais... Ah ben là, j'écoute. Parce qu'aujourd'hui, en fait... Religieusement. La question Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que en tant qu'individu, on n'est plus capable de sacrifier pour notre communauté. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a plus d'idéal. On n'a plus d'idéalisme. C'est ça le problème. Si on était plus que 10 blancs, mais qu'on était animé par un idéal de flamme, on pourrait tout reconquérir. Là, on a beau être, on serait 1 milliard de blancs dans l'état où on est actuellement de consumérisme, etc. Évidemment, t'es pas prêt à mourir pour un canapé, mais on en est là. Donc le problème, c'est surtout ça. Plus que le problème démographique c'est secondaire. Le problème démographique, pour moi, c'est comme une bombe à retardement, c'est-à-dire ok, soit tu redeviens idéaliste pour quelque chose avant que le compte à rebours finisse, quoi. Mais c'est pas une, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, il faut un idéal communautaire, en fait, tu pousses à ça, mais en plus idéal communautaire basé sur un socle solide tel que la religion catholique, les principes politiques du fascisme, etc., quoi. Bien sûr, mais ça doit venir après l'idéal. Et pour revenir sur le fait que les femmes de la tradition ont quand même cet esprit, on voit qu'il y a une tendance féministe. Moi, je l'ai constaté dans des couples mariés que je vois où la femme va avoir tendance à faire des gros yeux dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à un peu se rebeller. Il y a des maris qui sont, bon, ok, ils restent mariés, il n'y a pas de divorce, mais tu vois bien qu'en fait, ils ont le droit, ils sont terrorisés, en fait. Ils sont toujours là, le plein de trucs qu'ils disent, ils regardent, c'est pas une façon de vivre pour un homme. Terrorisé, parce que c'est normal aussi, les types, je les comprends, parce que bon, déjà, si tu lèves la main sur ta femme, forcément, les flics, les juges, là, t'as tout perdu, hein, c'est clair, le système va pas t'aider, hein, il va même t'enfoncer la tête sous l'eau, ça c'est réglé. Mais même si sans aucune violence, la femme va toujours trouver le moyen de, quand même, il fait une pression psychologique, la fameuse charge mentale, de connasses là, qu'elles inventent, là, qui n'ont aucun sens, comme si les hommes n'avaient pas de charge mentale, comme si nous, en fait, on portait pas, en fait, sur nos épaules 99% des responsabilités. C'est ça, la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est un combat. La vie d'une femme, c'est généralement, c'est de suivre. Hein. C'est pas du tout la même chose. D'où le besoin de calme à la maison, d'ailleurs, vu la charge mentale et le fait d'affronter le monde extérieur. Quand on est à la maison, il faut que le calme règne. Si la femme est conflictuelle sans cesse, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, elle peut gagner des points. C'est des fois pour garder notre... Grâce à Net, pour ne pas perdre notre tranquillité, des fois on peut je dis rien, mais en fait faut s'imposer parce que sinon c'est conflictuel. Tu fais comme avec les enfants, t'en calmes, obligatoire. Oui, au final, c'est en fait, c'est un nom, du silence. C'est un nom, ce qu'elles font, c'est du chantage. Et elles sont très fortes sur le chantage émotionnel. Elles ont toujours cette arme de la sexualité, parce qu'elles le contrôlent, en gros. Donc même si tu es marié... Elles, voilà, non, justement, il ne faut pas qu'elles aient cette arme sur toi, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est important de bien choisir et que l'homme, il se domine complètement, quoi. C'est sûr, oui. C'est-à-dire que la femme, justement, ne puisse pas lui faire du chantage. C'est lui montrer que toi, t'en as rien à faire du chantage, en fait. C'est ça, elle veut faire du chantage, bah, tu restes de marbre et puis c'est tout, basta. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Et que si les femmes, même dans la tradition, elles ont autant de pouvoir, que c'est leurs hommes qui sont des canards. Oui, mais le problème, c'est que la majorité des hommes sont pas des, ils sont pas des, ils sont pas héroïques, ils sont pas, donc ils sont faibles. Et elle, en fait, elle est toujours à l'affût de la faiblesse. Et une fois qu'elle te tient, en fait, c'est ça qui est bizarre chez la femme, c'est qu'elle cherche toujours à prendre le dessus sur toi, tout le temps, par tous les moyens. Mais dès qu'elle y arrive, en plus, elle te méprise. En fait, c'est pas, elle veut te dominer, mais dès qu'elle domine, elle se sent comme une merde, en fait, parce qu'elle est plus à sa place. Mais oui, t'as raison. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Et une autre raison, c'est le conformisme. C'est d'ailleurs le conformisme des femmes. Ce sont des êtres fondamentalement faibles qui suivent. Elles ne sont pas capables d'imposer un état d'esprit ou d'imposer quoi que ce soit dans la société. Et c'est pour ça qu'elles sont, par définition, anti-révolutionnaires. C'est jamais une femme qui va mener une révolution dans la société parce que ça demande d'être violent, de faire preuve de démonstration de force à un moment donné. D'où le fait que les femmes n'ont absolument zéro mot à dire, pour, bon, de façon générale, mais pour tout ce qui s'agit de la politique. Vous soutenez Macron ? Absolument. Et pourquoi ? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Oui, une femme, ça n'a pas d'avis. Une femme, elle a l'avis, généralement, de ses copines, de son mari, ou de la télévision, d'Hanouna, quoi. Alors complètement d'accord avec toi, hein. c'est pas aux femmes de faire la révolution et c'est à nous de la mener, d'être en première ligne, en tout cas de tout faire pour qu'elle arrive, pour le bon Dieu bien sûr, mais les femmes seront indispensables dans le combat au niveau de la logistique, de l'alimentation, il faudra bien nous remplacer dans certaines tâches clés, pendant que nous, tu vois, justement, si le bon Dieu nous donne l'opportunité d'être au front, de mener cette révolution. Par rapport au mouvement politique, bon, on peut parler du national-socialisme, il y avait un mouvement... d'aide humanitaire, sociale, d'ailleurs, quand il y a eu les bombardements du Havre, en fait, les Allemands ont envoyé des femmes allemandes aller donner des plats, de la nourriture, en fait, à tous les Havrais qui étaient en exode, en fait, et qui sont revenus sans rien. Et c'est quand même les Allemands qui ont envoyé, c'était que des femmes, en fait, hein, pour faire ce genre de choses, elles sont très bien. Mais même d'ailleurs, dans la phalange espagnole, il y avait d'ailleurs la chef, celle qui s'occupait de ça, c'était la sœur de José Antonio Primo de Rivera. Pilar, qui s'occupait des services sociaux, de la logistique, vous savez, de tout ce genre de choses. Et ça, oui, chez les Cristeros aussi, mexicains. Hein, elles ont un rôle dans un milieu social. Elles ont quand même un rôle à jouer, mais c'est pas au front, quoi. Il y a qu'un seul pays qui envoie ses femmes au front, c'est l'entité, quoi. Puisqu'on est dans une émission quand même religieuse, on peut prendre l'exemple de Marie-Madeleine, qui a suivi quand même les apôtres et les disciples quasiment depuis le début, enfin, on va dire en gros, mais elle n'était pas prêtre. Ah bon, elle n'était pas prêtre. Elle n'enseignait pas. Elle n'enseignait pas, elle s'occupait effectivement de la logistique. Elle a radicalement changé de vie aussi. Elle a radicalement changé de vie, ça c'est très important d'ailleurs. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, qui est un truc qui m'énerve, arrêter de dire que Marie-Madeleine était une prostituée, c'est pas le cas. Ça c'est les racontars des gens qui n'ont jamais lu l'évangile. C'était une courtisane, alors je ne sais pas si c'est mieux. Oui, c'était une Thaïs quoi, c'était une Thaïs. Voilà, il y a de l'espoir. C'était au passé. Il y a eu un changement radical. C'était pas n'importe qui. Je veux dire, la résurrection du Christ arrive et la première personne à qui il apparaît, c'est Marie-Madeleine. Et puis il y avait une proximité, une amitié énorme entre le Christ et Marie-Madeleine. Et on voit que on ne demande pas à Marie-Madeleine d'être docte, d'ailleurs. Elle n'administrait pas les sacrements. On ne lui demandait pas de faire des discours en public. On ne lui demandait pas de donner son avis à tort ou à travers. Enfin, il y avait un rôle, d'accord, mais un rôle de discret. C'est un rôle qui n'assume plus du tout les femmes. Ça. La discrétion, c'est totalement l'inverse. Elles veulent au contraire. Il faut absolument qu'on parle de moi, qu'on parle de moi. Tiens, j'ai pris une photo de mon cul et la posée sur Insta parce qu'il faut qu'on parle de moi. Quoi. Voilà, leur donner un téléphone, par exemple, c'est la pire des idées, en fait, parce que c'est un moyen d'influence de malade. Il faut surveiller aussi les amis. Si vous courtisez, entre guillemets, une femme, même issue de la tradition, le problème, c'est que souvent, après, elles vont faire des études. Supérieure. Et là, c'est pas pareil. Elle bascule dans un milieu, dans le monde, hein, donc souvent à Paris, dans des grandes villes comme ça. On leur donne un téléphone, justement, puisque pour qu'elles puissent échanger avec leur famille. Et là, il peut se passer, produire beaucoup de changements. Elles peuvent nouer des relations avec des gens un peu moins recommandables. Et il faut vraiment scanner, quand vous vous intéressez à une femme, bon, évidemment, la relation avec le père, et comment la mère se comporte dans la famille, parce que la femme va avoir tendance à reproduire ça, et aussi, comment sont les amis. Parce que les amis de la femme ont une influence sur la femme qui est, en gros, elle lui dit « fais ça », elles le font. Vraiment, c'est vraiment divorce, elle divorce. C'est vraiment, moi je l'ai constaté. C'est... Puis elles sont à son image aussi, oui. Et tu fais bien de le rappeler, c'est un plaidoyer un peu pour le fait d'être révolutionnaire conservateur, la vie du Christ, puisqu'il y a un caractère révolutionnaire dans le sens où il s'est opposé à l'ordre du temple juif en son temps. Et en cela, bon, il y a un certain décisionnisme où l'ordre supérieur parfois demande de créer quelque chose, de violenter un petit peu la nature. Pour remettre l'ordre dans l'ordre, quoi. C'est exactement ce qu'a fait le fascisme. Oui, mais c'est comme c'est notre mission. C'est la mission de nous, de nos fils. Exactement. Oui, et exactement. C'est soit ça, soit l'antéchrist. En fait, il y a vraiment. On est obligé de devenir complètement anticonformiste, complètement révolutionnaire aujourd'hui, donc de se mettre à dos par défaut les femmes. Je regarde autour de moi et je vois un tas de nouveaux visages. Vos gueules! Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont enfreint les deux premières règles du Fight Club. Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Ouais. Par définition, il faut l'accepter au moins pendant un moment. Qui veulent la stabilité avant tout. Alors que nous, on veut un changement de régime radical. Donc forcément, c'est incompatible. Le réformisme, c'est bien quand le régime est plutôt bon. Quand il est complètement pourri, c'est autre chose. Voilà. Je voulais rajouter un élément qui, je suis sûr, va plaire à Dédé et je pense qu'il va pas manquer de réagir. C'est qu'en nous écoutant, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire « Attendez, là, vous, quand même, vous brossez un portrait plutôt critique des femmes modernes. Donc, en écoutant l'émission, est-ce que les femmes vont pas fuir, en fait, vont pas fuir la politique, etc. ?» Mais on s'en fout. Je suis obligé de rajouter. Mais oui, je suis d'accord avec vous, oui. Et tant mieux. Ça oui, mais oui, voilà. Oui. Tant mieux, mais cassez-vous. On ne veut pas de vous en politique, vraiment. Bah, elles y sont justement parce qu'il y a une trop grande démission, comme le dénonçait Belloc au début. Quoi. Je pense qu'elles prennent un peu la place parce que voilà, il y a une absence. Hein. C'est encore la faute de monsieur. Bah non, mais bien sûr. Si les femmes aujourd'hui, par exemple, elles sont obligées de, je sais pas, de faire un exemple tout con, des sports de combat, mais voilà, ce qu'on appelle la self-défense. Est-ce que les femmes aujourd'hui sont obligées de faire voilà de l'autodéfense? Bah, tout simplement parce que les hommes, c'est des grosses merdes. Il y a personne qui va prendre la défense d'une femme qui va se faire emmerder. Donc aujourd'hui, bah, elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Oui, et puis il y a un petit lien avec les Arabes. C'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Ah oui, mais l'exemple typique du conformisme des femmes, c'est Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle récupère un truc fasciste, vraiment, qui a été construit par des hommes qui avaient fait la guerre, etc. Et elle en fait, je ne sais pas comment appeler ça. Un paquet de chats. Voilà, et de chats. Une baraque, voilà. Mais par conformisme. La fistinière. La fistinière et les chats. Des agressions sauvages, homophobes, comme ça, avec moi, on ne tolérera pas ça. Le meilleur du Rassemblement National, ce sont les chats. Hein, mais d'ailleurs, Zinko, comme tu parles du FN, ancienne mouture, ils avaient quand même un programme familial à l'époque. Je crois qu'en 88, Jean-Marie Le Pen proposait un salaire pour les mères au foyer, en fait. Et il y avait une vraie politique familiale. Et en fait, aujourd'hui, bah, On en a tous besoin aujourd'hui. Hein. C'est moi, je signe tout de suite. Oui, mais quand vous voyez, enfin, ça passe par des mesures d'urgence en fait de réformer une société comme ça, parce que moralement, c'est la déchéance. Enfin, ça passe par l'interdiction de l'avortement, du divorce, enfin, toutes ces choses qui sont déjà des poisons sociaux. Et tous les régimes, vous voyez, les régimes des années 30, le fascisme, le national-socialisme. A vraiment exalté la maternité, la natalité aussi, puisque voilà, contrairement à ce qu'on dit, par exemple, les Lebensborn, c'était pour aider les femmes, par exemple, qui accouchaient seules, voilà, qui ont eu un souci, etc. Il y avait quand même un programme de restauration de la natalité, de la maternité, de la famille, et c'est par ça, en fait, que ça repassera. On peut pas, de toute façon, recatholiciser la société sans déjà la réformer moralement parlant. Il faut bien que la grâce se fixe sur une nature qui est saine, effectivement. Il y a un combat à mener, il y a le combat politique à mener, comme on dit depuis le début, en fait. Oui, c'est incarné, de toute façon. Il y a l'action politique, on commence par la prière, et ensuite on passe à l'action politique, et après, ça crée un cercle vertueux. Oui, ce que disait Hitler, c'est que le but de cette vie, c'est pas la conservation de l'individu, mais la conservation de la race, la conservation de l'espèce et de la race. Et que c'est absolument essentiel. On le voit aujourd'hui, on est en train de perdre notre race en France et on voit que, du coup, on perd tout. Et pour pouvoir conserver la race et conserver l'espèce, on ne peut pas le faire sans la femme. C'est la femme qui elle a ce privilège, c'est le privilège de suréminemment de la Très Sainte Vierge Marie, de mettre au monde, elle met au monde les hommes, elle met au monde la nation. Et c'est son privilège. Et en fait, elle se trompe de. Elle a un trésor et elle préfère aller prendre le travail des hommes. Enfin, elle tue sa féminité dès lors qu'elle refuse cette mission principale dont parlait Bobby, en effet, quoi. Et puis quand tu parles de la race, d'ailleurs, il y a aussi tous les auteurs à la Julius Evola ou en Allemagne, Walter Darré, par exemple, qui est encore peut-être un niveau au-dessus pour moi, j'aurais dit. À chaque fois, ce thème de race va avec quoi? Deux choses, l'éducation. Donc là aussi, les femmes ont un rôle premier à jouer. Et aussi, ce côté assez aristocratique, en fait, on prend les éléments de la masse populaire pour les élever, pour en tirer les meilleurs éléments, et ce sont ces hommes-là qui vont faire le monde de demain, quoi. Et généralement, ce sont des anciens hommes qui étaient des simps, comme on disait tout à l'heure. C'était des simps au départ, sauf que l'urgence de la situation, très souvent... Dès que vous voyez quelqu'un faire le gros malin, les gros biceps, machin, lui, c'est un tocard. Il fait 24 heures de garde à vue, il va pleurer et vendre sa mère au marché aux puces. Ça me fait penser à quelque chose. On voit beaucoup aujourd'hui cette tendance avec le mec qui a une grosse barbe, qui a des lunettes. La caricature, c'est Papachito, quoi. C'est le mec, ouais, je suis masculin, machin. Cette exaltation en fait de certains attributs qu'on considère comme masculins, mais à côté de ça, en fait, t'es une fiotte avec les juifs, avec les femmes, etc. Ça montre, exactement, ça montre exactement. Qu'en fait, les hommes, ils sont complètement émasculés et ils cherchent des substituts extérieurs. Le cigare aussi, comme par exemple Andrew Tate, il est toujours là avec son cigare. Oh oui, je pensais à lui, oui, justement. Il verse dans le narcissisme. Ken de Ken et Barbie, ça c'est Julien Rochdy, ouais. Mais voilà, mais c'est pas ça, être un homme. Être un homme, déjà, c'est dire que tu es le maître chez toi et ne pas te coucher devant des juifs, devant des métèques et devant des femmes. C'est d'abord ça, être un homme. Sinon, vous pouvez aller, si vous en avez assez, sur la chaîne du masculiniste nietzschéen Julien Rochdy, qui vous parlera du surhomme, des mâles alpha. Bon, je suis pas un mâle alpha, je suis un mâle bêta. Ouais, petit des gens disent les bêta. Voilà. Bon, si vous voulez aller. Bon, bref. Or, aujourd'hui, ça, c'est le prix, c'est la mort sociale. Donc, la majorité des hommes, en fait, ne sont pas des hommes par rapport à ça, en fait, sont complètement soumis. Et donc, du coup, ils ont besoin d'avoir ces substituts tout pourris. De toute façon, la virilité n'a pas besoin d'attributs extérieurs. Hein. C'est vraiment un caractère, c'est intérieur, en fait. Hein. Et par exemple, je vais aller dans le sens de Soral quand il critiquait la vidéo de Ring, là, où vous voyez tous les Marceaux, Papacito et compagnie. Vous savez, faire les gros durs avec leur tronçonneuse sur l'épaule et tout, et puis Soral, il les critique en disant « mais c'est pas ça la virilité, on n'a pas besoin de montrer ça pour être un homme, en fait, et c'est évident, en fait. » Tous ces influenceurs-là que vous avez cités, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous célibataires sans enfants aussi. Et pareil, c'est des gens qui prônent un combat démographique en premier lieu. Alors, j'ai envie de dire, ouais. Pour Papacito, c'était mieux qu'il fasse pas d'enfant, parce que je crois qu'il est... Ah, il aime bien les basketteuses de 1m90 d'un certain teint de peau, ouais. C'est, ouais, ouais, ouais. Il en perd une pour en gagner une autre, ouais, c'est des fois où on les confond et tout, ouais. C'est assez spécial. Par Andrew Tate, apparemment, bon, c'est pas un Français, mais lui, il est marié, bon, il est devenu muslim, donc il a un harem, apparemment, et il a plein d'enfants. Mais lui, c'est vraiment... Je sais pas si vous connaissez un peu son histoire, comment il s'est fait tout son fric, mais c'est vraiment une sale histoire. Ouais, ouais, c'est pas une sorte de... Enfin... Et sa mère est blanche du Royaume-Uni, d'ailleurs il a un très fort accent britannique qu'il a pas réussi à perdre. Et ouais, je crois qu'il a fait un peu d'argent sur les camgirls en Roumanie, c'est ça, hein? Ouais, ben en fait, je crois qu'il a commencé avec ses propres anciennes copines, et en fait, il escroquait des hommes, en fait. Et oui, il mettait des femmes devant la cam, et lui, il prenait le clavier parce qu'il disait que, en gros, les femmes, elles sont débiles, enfin, elles arrivent pas, elles comprennent pas comment embobiner le mec bien comme il faut. Lui, il comprend comment fonctionne la psyché d'un mec, etc. Donc, il prenait le clavier et il rendait fou le mec. En fait, il lui faisait croire qu'il allait pouvoir voir la fille, etc., en échange d'argent. Donc, les mecs, ils faisaient voir la fille, elle disait « Ah, j'ai pas, c'est un peu en ce moment, tu peux pas m'envoyer, machin ?» Et il s'est vanté, en fait, dans une vidéo, d'avoir ruiné un nombre incalculable de mecs, leur avoir fait vendre leur baraque, etc., pour leur filer à lui leur fric, quoi. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire et il s'en vante publiquement. Ah, ouais, c'est un vrai juif, quoi. Un macro, quoi. C'est ça, son métier. Quand il parle de projets économiques purs et qu'il ne s'évade pas sur des délires en partant des femmes, je trouve extrêmement pertinent. If I had to start a makeup brand, I would do none of this. Zero. You know what I'd do? I'd make a website with makeup on it and prices and I'd start advertising. Bang! Now I'm making money. I'm making money. I'm getting orders. I don't have any makeup. I don't have a warehouse. I ain't got a logo. I ain't got a trademark logo. I ain't got nothing. But I'm making money. With money, you can fix the problems. Par contre, quand il parle de tout le reste... Non, il est très intelligent. Ça se voit qu'il est très, très intelligent. Mais moralement... Oui, il est malin, en fait. C'est... Voilà, c'est ça. C'est... Il est malin, le gars. Ouais, il est malin, souvent, ouais, mais il va en enfer s'il continue, par contre. Dédé. Juste pour revenir sur ce que tu disais, Elzinko, là, sur le rôle essentiel des femmes, donc, qui est donné la vie, etc. Donc ça, on est complètement d'accord. Et justement, c'est ce que je reproche un peu au mouvement MeToo, là, que tu parlais aux États-Unis. Donc ces hommes, voilà, men going then on way, je sais pas quoi, là, bref, qui veulent vivre en fait sans femmes. Et bien en fait, pour moi, c'est des grosses merdes, en fait. Pour moi, ils ont baissé les bras, ils travaillent pas sur eux-mêmes, ils ne savent pas trouver la femme qui va leur convenir, etc. Tu vois. Et ça, c'est un problème. Et donc, comment dire, vous voulez trouver une perle rare, les 0,01%, vous-même, il faut que vous en fassiez partie. Donc, comme on dit, le but du jeu, c'est pas d'être viril de chez Wish avec ouais, la beubare, les gros muscles, les tatous. Bon, si c'est votre style, c'est votre style. Mais le principal, c'est de travailler sa volonté et d'être quelqu'un de bien. Et en fait, c'est ce que Thaïs appelle un gentil gars. C'est comment trouver une femme malgré le fait d'être gentil. Bah ouais. C'est soyez des bonnes personnes et vous trouverez une bonne personne qui vous correspondra. Ouais, enfin, pour ça fera 500 euros, Dédé. Là. Ouais, mais Dédé, il va ouvrir son école aussi. Juste sur les MTO, je suis à moitié d'accord en fait, parce qu'il y a des mecs qui sont dans ce milieu-là qui sont justement qui profitent en fait de plus avoir ce drainage d'énergie d'être avec une femme, parce que c'est vrai, quand tu es avec une femme moderne, en fait, elle te prend, en fait, elle te vide. Elle te détruit. C'est ce qu'elle veut d'ailleurs. Elle prend quelqu'un qui est plein de santé, qui est, etc. Et elle te met en dépression et après elle passe au suivant. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Je crois qu'un homme est un nomade. Il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline. Je parle de l'homme, du mâle. Je crois vraiment ça. Et je crois que par essence, la femme l'arrête. Alors l'homme s'arrête près d'une femme et puis la femme a envie qu'on lui ponde un œuf. Toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un œuf et je comprends ça. Et puis on pond l'œuf. Alors l'homme, il est bien, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante. Je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de ce œuf. Et alors, il faut de la paille en dessous. Alors, on met de la paille. L'homme, il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'œuf. Et puis, un jour, il pleut. Alors là, il va chercher de la paille et il fait un toit. Et puis après, il y a des courants d'air. Alors, il bâtit des murs. Et puis après, il reste là. Et l'homme est un nomade. Et toute sa vie, l'homme, je crois... Un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quelles qu'ils soient, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans. Quand on le voit un soir et qu'il essaie de se libérer un peu, il vous dit « J'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. Tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. Alors que la femme a un rêve, c'est de garder le gars. Mais j'ai pas bien compris les femmes. Donc ils refusent ça et du coup ils en profitent pour développer d'autres choses en fait parce qu'ils sont obligés vu que ils prévoient plus de faire une... Attends, déjà si tu te mets dès le début avec une gonzesse comme ça, mais c'est ta faute, c'est toi qui es une grosse merde. Oui, mais c'est là que je veux en venir, c'est qu'en fait ils croient pas en Dieu, enfin c'est des gens qui sont pas catholiques. Oui, c'est le problème, c'est ça. Ils ont même pas l'espérance en fait. Non, ils ont pas l'espérance du tout. Non, mais d'ailleurs ils finissent, ils ont souvent un... c'est désespérant en fait leur doctrine. Ils finissent par proposer des choses comme Boris Lelay, c'est-à-dire grâce à la technologie, grâce à l'intelligence, on va avoir des copines qui seront des intelligences artificielles, on va se servir de la technologie pour créer des enfants. C'est ça, ils finissent dans ce genre de délire là en fait. Donc c'est un cul-de-sac évidemment, mais il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent, malgré tout. Dans la situation actuelle, si tu restes seul, c'est pas la fin du monde aussi. D'accord. Y a Jésus, il a vécu sa vie tout seul. Il y a des gens comme Newton aussi, Tesla. Hitler, bon, il s'est pas marié. Enfin, il s'est marié 2 jours avant sa mort, etc. Mais ça te permet aussi de te consacrer, de consacrer toute énergie à une noble cause aussi. Parce que avoir une famille, c'est quand même une charge énorme. Bon, on est beaucoup à être appelé à faire ça, mais c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice, et le reste, ça a donné de surcroît. Ce n'est pas comme des morts de faim pour à tout prix trouver quelqu'un. D'avoir la recherche en obsession, ça peut stresser et limite à s'arrêter de maintenir cette obsession. On finit par trouver en se calmant. Quoi. Ça aide aussi. Oui, et vous valez mieux que ça, qu'être en chien devant des... Permettez-moi de citer Alexandre Dumas. C'est souvent la femme qui nous inspire les grandes choses qui nous empêchent d'accomplir. Très bien, messieurs. Écoutez, je pense qu'on a bien parlé de la gente féminine. Et on va rester un peu dans le sujet. Mais d'abord, on est obligé de parler un petit peu, nous sommes contraints, je le dis très franchement, de parler un peu de ce qui se passe à Rome. Et ça ne nous fait pas plaisir, parce que c'est pas toujours des bonnes nouvelles qui arrivent de Rome. Et je le dis très clairement, des fois, on aimerait bien ne pas avoir de polémiques qui viennent de Rome. Et là, on n'a pas le choix. On doit traiter d'éléments. Il y a 2 éléments qui viennent de se passer. On va dire une petite nouvelle pas trop importante, juste pour lancer le débat, et puis après on va venir au cœur du débat. Je commence par ce qui se passe avec les sacrements. Je vous lis un extrait du site Alteia. Dans une note intitulée « Gestis verbis quae », par des gestes et des mots, approuvée par le pape François et rendue publique le 3 février 2024, le dicaster pour la doctrine de la foi fait une mise au point sur la célébration des sacrements, rappelant aux prêtres qu'ils ne peuvent pas modifier la liturgie de leur propre initiative, sous peine de rendre le sacrement invalide. Le terme invalide est souligné. Rome affirme que toute fantaisie est toujours un acte gravement illicite et mérite une peine exemplaire, c'est une citation. Ce texte relatif se veut une réponse à la multiplication des situations où de graves modifications liturgiques ont rendu un sacrement nul, obligeant à refaire le rite, donc c'est quand même assez grave. Le préfet mentionne en particulier les baptêmes durant lesquels, accrochez-vous bien, les baptêmes durant lesquels des prêtres ont modifié la formule établie, prononçant par exemple « Je te baptise au nom du Créateur » ou encore « Au nom de papa et maman, nous te baptisons ». Alors, j'ai envie d'enchaîner tout de suite, parce que c'est terriblement énervant. Les gens qui veulent nous amalgamer absolument avec les modernistes, donc les types qui apparemment se moquent complètement des sacrements et arrivent même à rendre les baptêmes invalides, ce qui est quand même une prouesse parce que le baptême a été fait pour justement rendre les choses très simples. Non merci, nous n'avons pas grand-chose à voir avec ces types-là. Oui, je pense que les déclarations très lourdes de sens de Mgr Lefebvre, les traditionalistes ne l'ont pas assez pesé. Et quand il dit « nous ne sommes plus dans des temps normaux de l'Église depuis Jean 23 », déjà il y a 70 ans, ça allait par aujourd'hui, Rome n'est plus dans Rome. Et on part de plus en plus dans... Et, alors, ce que rappelle là le dicaster, pour le coup, est traditionnel. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas modifier les formules. Sauf que n'importe quel moderno au fin fond de sa chapelle balance la phrase qui lui vient par la tête, comme ça. Et en effet, ça rend un baptême invalide, là où même si un musulman vous verse l'eau du baptême, il peut vous baptiser tant qu'il a l'intention de le faire. Donc, en effet, en invalide, il faut vraiment le chercher. Et là, le « je te baptise au nom de Pikachu », pourquoi pas, hein. Je crois que ça veut dire 1000 fois plus puissant que Dieu en japonais, certains disent ça en tout cas sur Pikachu, donc voilà, c'est super. On dégénère de décennie en décennie, et enfin, on dégénère, pas nous les catholiques, mais j'allais dire un corps ecclésial qui semble occuper les murs de Rome. C'est-à-dire que depuis Vatican II, il n'y a plus de structure, surtout dans la liturgie, et maintenant les gens ils font n'importe quoi, les modernistes font n'importe quoi, et ils en arrivent à, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi, je te baptise au nom de papa et maman. Bon bah, y a... dans les messes modernes, je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de voir ces clowneries, mais il n'y a plus de structure, il n'y a plus de discipline, c'est vraiment à la carte, hein, les types ils font comme ils veulent. Donc finalement, c'est pas étonnant qu'ils arrivent à faire des baptêmes à leur sauce, quoi. J'allais dire, pour passer un peu plus loin à la réflexion, d'ailleurs, c'est un peu la logique progressiste qui s'invite dans la théologie et qui par là même la détruit complètement. Alors, il y avait déjà le monde machiniste, un peu de Galilée, le darwinisme et Newton. Mais le darwinisme, c'est complètement ça, en fait. C'est, le dogme était évolutif, comme l'homme qui était un singe auparavant, etc. Quoi. C'est, on est là-dedans, et quand on évolue, on monte de niveau aussi. Là, on retourne dans le jeu RPG, en effet, où le gauchiste est au niveau 100, parce qu'il est archi-progressiste, et nous, on est quand même des réacs super zombies et fossilisés, quoi. Ouais, en parlant des Pokémon, il y a les transformations dans les Pokémon, c'est-à-dire que avant Pikachu, il y a Pichu, et après c'est Raichu, c'est ça ? Enfin, le dernier. Ça, c'est ça, ouais, il me semble bien. Je crois que Pikachu, c'est le premier, je ne suis pas sûr, mais bon, peu importe. Non, c'est Pichu. Ils ont inventé le précédent après coup, c'est pour ça. Oui, ils ont inventé Pichu après Pikachu. Ouais, mais maintenant, il y en a au moins 700, donc on est périmé, il y a peut-être quelqu'un après Raichu. C'est-à-dire que c'est la dernière évolution de quelque chose. Je parle souvent avec des prêtres de la tradition, un petit peu pour les tester sur ce sujet-là. En gros, effectivement, bon, ben, ils sont d'accord avec nous. Enfin, ils sont pas du tout avec ces gens-là, etc. Ils le déplorent, machin. Mais il faut quand même se rappeler que c'est pas sorti de nulle part. Le moderniste, il n'est pas apparu. Genre tout était parfait avant et d'un coup, tac. Il y a un moderniste. Il y a une transformation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devenus modernistes. Comme aujourd'hui, le néo-païen, c'est un ancien catholique. L'apostat hier, c'était pas un apostat. Vous voyez, et ça, il faut s'y intéresser parce que sinon, on tombe dans une position d'orgueil où on prétend qu'on n'a rien à se reprocher, c'est que la faute des autres, les méchants modernistes, que des causes extérieures, entre guillemets, à tous nos mots. Non. C'est l'aspect victimaire du complotisme que l'on dénonce, oui. Ça aussi, d'ailleurs, toujours à dire « Ah non, mais c'est la faute de franc-maçon, de je ne sais pas quoi ». Et ça, bon, la communauté juive sait peut-être très bien le faire, mais quand on est un goy, on ne sait pas très bien le faire. Donc, mieux vaut tabler sur d'autres vertus, quoi. Les tradis woke. Et il faut quand même faire cet examen de conscience, parce que sinon, on ne comprend rien, un, et deux, on reproduit les mêmes erreurs. Moi, il y a une figure qui me... paraît particulièrement frappante à cet égard, c'est la figure de Lamennais au XIXe siècle, donc en fait l'inventeur du catholicisme libéral. On pourrait même dire l'inventeur du modernisme. Comment se fait-il alors que nous soyons, que l'Église, d'une certaine manière, je dirais, s'est trouvée lentement, mais sûrement pénétrée par toutes ces idées libérales ? Comment cela peut-il se faire ? Eh bien, par les moyens que les francs-maçons voulaient employer, c'est-à-dire pénétrons les séminaires, entrons dans les séminaires, que nos idées pénètrent dans les séminaires. Et ces idées, en effet, ont pénétré dans les séminaires avant le Concile, déjà, les idées libérales, et particulièrement, au moins dans les séminaires de France, par exemple, par les idées de Teilhard de Chardin. Et c'est des libelles circulaient dans les séminaires qui diffusaient ces idées. Et peu à peu, ce sont pas seulement les élèves, les étudiants, mais aussi les professeurs qui ont été atteints par ces idées. Et disons-le franchement, des évêques. Voulez-vous, les évêques sont choisis parmi les prêtres qui ont été formés dans les séminaires. Peu à peu, ces idées libérales ont pénétré à l'intérieur de l'Église. Et quand le concile s'est ouvert, il y avait dans le concile une bonne partie des évêques qui étaient vraiment infestés par ces idées libérales. Il fallait l'aggiornamento de l'Église. Quel aggiornamento ? C'est encore un terme ambigu. On peut bien le comprendre, mais on peut aussi mal le comprendre. Un aggiornamento, ça veut dire la mise à jour de l'Église. Mais où commence-t-on ? Où finit-on ? Qu'est-ce qu'il faut mettre à jour ? Est-ce qu'il faut mettre à jour la doctrine ? Est-ce qu'il faut mettre à jour l'expression de la doctrine ? Est-ce qu'il faut mettre à jour toutes les institutions de l'Église ? Est-ce qu'il faut mettre à jour toute la liturgie, tous les sacrements, tous les séminaires, toutes les congrégations religieuses, religieux. Est-ce qu'il faut mettre un jour tout cela? Mais au nom de quel principe? Où allons-nous commencer encore une fois? Où allons-nous finir? En fait, là, cette histoire de baptême, c'est quoi? Ça montre que pour eux, en gros, l'humanité et Dieu, en fait, je te baptise au nom de papa et maman. C'est-à-dire que papa et maman, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Enfin, c'est vraiment, on en est là, quoi. Alors bon, je ne dis pas qu'il faut toujours faire la distinction entre un courant malsain au sein du clergé qui a pu avoir dans le passé et les vocations saines. Il y a rien de plus noble qu'une vraie vocation, que quelqu'un qui va s'enfermer dans un monastère pour se sacrifier pour les autres. On en crève parce qu'on n'a plus de gens comme ça. C'est pas ça que je veux dire. Je veux pas tout mettre dans le même sac. Mais il y a une partie qui a pourri. C'est ça que je veux dire. Il y a une partie qui a pourri et qui s'est transformée au final, qui a mené au modernisme. C'est ça que je veux dire. La création est devenue surnaturalisée, en fait. Il n'y a plus de distinction entre les deux, ou alors c'est l'un qui est passé de l'autre côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur la figure de l'amené. En fait, à la base, l'amené est un... C'est-à-dire, c'est l'opposé du... Dans la tête des gens, c'est l'opposé du modernisme, c'est-à-dire, un, infaillibilité pontificale, et deux, suprématie du spirituel surtemporel, au point que, en gros, c'est le prêtre qui doit tout faire. Voilà. Et il est passé de ça, donc de cet extrême où en gros l'Église c'est tout, la nature c'est rien, il est passé à l'extrême opposé, où en gros il a dit en fait les prérogatives surnaturellement qu'on croit que l'Église a surnaturellement, en fait l'humanité les possède naturellement. Et moi je trouve particulièrement frappant à chaque fois que je parle avec des prêtres que ça leur traverse jamais l'esprit en fait. Moi, je pense que c'est un peu les deux. Je pense qu'il y a effectivement une grosse partie qui a pourri, mais qu'il y a une partie qui était déjà pourrie et qui a vraiment infiltré l'Église. Donc, effectivement, les tendances maçonniques, etc., des francs-maçons, des PD, tout ça, qui ont infiltré l'Église, qui ont répandu la doctrine. Et cette doctrine, donc le modernisme, il a été adopté par une grosse partie. Mais je pense que c'est toujours les minorités agissantes qui font l'histoire, et il y a forcément une minorité agissante moderniste qui a modifié, qui a réussi en tout cas à modifier, qui a tenté de modifier la constitution de l'Église. Bon, elle est une, elle changera jamais, elle sera toujours divine. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui voilà, le modernisme, il y a toujours cette minorité qui agit en fait. Et la masse qui suit bêtement, sans trop se renseigner, sans trop étudier, d'où l'importance de l'étude, hein, de l'étude de la doctrine, de l'étude des textes. Et pareil, donc là, Rex, t'as remarqué, en fait, ce qui est rigolo, c'est que Bergoglio, il dit bien qu'on ne peut pas modifier la liturgie comme on veut, qu'il ne faut pas faire des fantaisies, etc. Et en fait, tu as l'impression que c'est un peu les élèves qui commencent à dépasser le maître, quoi. Eux, ils vont modifier pratiquement tous les sacrements, donc l'ordination, en s'appuyant sur soi-disant tradition de Saint Hippolyte de Rome, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les prêtres, les entre guillemets modernistes, sont même plus prêtres parce que c'est. En fait, ils ont modifié le sacrement. C'est vrai que pour modifier le sacrement du baptême, il faut y aller, hein, c'est un cran au-dessus. Et en fait, les élèves commencent à dépasser le maître. Et je pense que le maître commence à être un peu inquiet du phénomène parce qu'il y a trop de gens qui se rendent compte. Comme on met la grenouille dans la casserole, on met l'eau à bouillir. Quand c'est petit à petit, on ne s'en rend pas compte, on s'habitue à l'eau et on se laisse bouillir et on meurt. Alors que là, ouais, je te baptise au nom de Pikachu et de Dracofeu, avec un pistolet à eau là, pour recevoir l'eau sur le front. C'est un peu trop, quoi. Là, c'est trop gros. Enfin, n'importe qui, un lambda, un athée, un communiste, n'importe qui, sait qu'il n'a pas affaire à l'Église catholique. Prochaine étape, peut-être qu'ils vont cracher sur les visages des fidèles pour les baptêmes et dire « je te baptise peut-être », sachant que... Déjà, pourquoi est-ce qu'ils baptisent, en fait? Je voudrais rebondir là-dessus. Pourquoi est-ce que ces gens baptisent? Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire « on peut se sauver dans toutes les religions ». Faut qu'ils s'arrêtent de baptiser. Ouais, non, ça sert à rien. Pas, parce que des gens viennent leur demander, ils n'ont pas trop le choix, bon, d'accord. Ouais, voilà. C'est aussi le côté, beaucoup de tradition familiale, du baptême du bébé, ouais. On réunit la famille, il y a une petite c'est de moins en moins vrai, offerte, ça, ouais. On boit du cidre. Ouais, voilà. Vous avez compris quand même que je trollais, hein, je préfère me préciser, parce que même si c'est un moderniste de dernier degré qui fait un baptême comme on doit le faire, le baptême est parfaitement valide, et donc le baptême étant vraiment la porte d'entrée vers le paradis, c'est évidemment un sacrement, le sacrement, on va dire, quasiment le plus important. Donc. Bobby, d'ailleurs, je crois que j'ai entendu des gens qui parlaient de toi. C'est peut-être référence à toi. Tu disais qu'il y a des gens qui veulent nous amalgamer avec ces modernistes et refuser de faire la distinction en fait, entre la foi catholique de toujours, qui a vivifié l'Europe et les peuples blancs pendant 2000 ans. Ils disent en fait qu'au fond, tu es païen. T'es païen, bon, en fait. Parce que tu t'en rends pas compte, c'est que tu... En fait, tu es catholique, mais en fait, tout ce que tu apprécies, tout ce que tu cherches, c'est les cérémonies, c'est de renifler de l'encens, mais tu n'écoutes pas du tout les modernistes, alors qu'en fait, tu devrais. Et du coup, tu es païen sans le savoir. Voilà, je rapporte. Bah, je suis content de découvrir des choses. Alors, puisqu'on parlait un peu des femmes auparavant, généralement, les femmes, quand elles se convertissent à l'âge adulte, eh ben, certaines d'entre elles se convertissent pour ce genre de truc. Parce que la messe traditionnelle, c'est beau, et puis il y a ma copine, et puis je connais un tel, machin. Alors que les conversions d'adultes, comme c'est mon cas, on se convertit pour une raison, en fait. C'est le cerveau qui prend le dessus sur la réalité. C'est un choix d'homme, je trouve. Donc, vous savez, l'encens, la cérémonie, etc. Alors, c'est très beau, hein, la messe traditionnelle, hein. Je suis fan, hein, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, par exemple, je vais beaucoup plus aux messes basses qu'aux messes chantées. Parce que, voilà, question de goût. Donc, je ne suis pas convaincu par leur argument, Elzinko. Ouais, bah, oui, mais ce qui te reproche, c'est que tu n'obéis pas à Bergoglio parce que tu refuses de bénir des homosexuels, alors que dans leur compréhension, tu devrais le faire parce que tu es catholique. Enfin, voilà, après, tu sais, il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas voir la réalité. Tu vois. C'est vrai que c'est très sympa politiquement. Pour les gens qui se prétendent, je ne vais pas donner de nom, ça ne sert à rien, des gens qui se prétendent néo-païens et qui sont dans une posture politique, avec « ah oui, c'était quand même mieux avant », c'est toujours le truc, ça, c'était mieux avant, c'est facile, c'était mieux avant. C'est très arrangeant pour eux de nous amalgamer avec les modernistes. Alors qu'on passe notre temps, finalement, à dire qu'on ne veut rien avoir à faire avec ces gens-là, et d'ailleurs, on prouve même que la doctrine traditionnelle est complètement opposée au nouveau délire qui nous pond le mariage, les bénédictions des couples homosexuels et tout, non, mais ça tient pas la route, ça tient pas une seconde. Ça les intéresse politiquement de faire croire que. Et le problème, c'est que les gens ne s'intéressent pas vraiment au fond des sujets, ils voient que les apparences, et il y a une petite minorité qui tombe en panneau. Enfin, bah oui, finalement, Bobby, Oremu, ces gens-là, ils veulent absolument embrasser les pieds de migrants, c'est leur projet. Oui, oui, bien sûr. Non. Mais un des arguments que j'entends souvent, c'est que... La mauvaise foi. La mauvaise foi, qu'un jeu de mots d'ailleurs. Un des arguments que j'entends souvent, c'est oui, non, mais de toute façon, les catholiques, c'est plus personne. La plupart des gens, ils ne sont pas catholiques, donc du coup, il ne faut pas en parler. Mais du coup, on va encourager le paganisme. Je sais pas, parce que si on applique l'argument à la même chose, il y a combien de païens par rapport à de néo-païens par rapport aux catholiques. Du coup, si on utilise cet argument pour ne pas parler du catholicisme, on ne devrait pas parler non plus du paganisme. Je comprends pas. À moins que ceux qui ont du fric à donner soient de cette tendance-là. Dans ce cas-là, tout s'expliquerait. Mais sinon... Surtout qu'il n'y a pas de païens, d'ailleurs. Il faut quand même le dire. Personne ne croit vraiment à Odin, Thor, Freya, avec il est pendu avec son œil pendant 7 jours. Non, mais... Exactement. Le néopaganisme est un genre d'athéisme, en fait, puisque c'est un genre de socle culturel. C'est-à-dire que, en fait, ils le sont à peu près autant que moi. Par exemple... La mythologie grecque m'intéresse bien. J'aime bien ces petites histoires culturelles. Quand on visite, on voit une peinture, on la reconnaît, on voit ça fait référence à quoi. Donc voilà, ils sont païens comme moi, quoi. C'est-à-dire, j'aime bien au niveau mythologique et culturel. Et ça va pas plus loin, quoi. Mais c'est intéressant en logique, parce qu'apparemment, c'est ça, Elzinko, je dis, faut arrêter d'être catholique parce qu'on n'est pas majoritaire. D'accord. Donc, du coup, il faut être antiraciste aussi. Hein. Voilà, il faut suivre la majorité, il faut être démocrate, il faut être antiraciste. Ah oui. Ça c'est une logique démocrate. Pour toutes les conneries, quoi. Oui, parce que la majorité pense ça. Il n'y a plus personne qui est pour Adolf Hitler aujourd'hui. Donc, du coup, il ne faut pas parler d'Adolf Hitler. Mais pourtant, ils n'arrêtent pas d'en parler. Hein. Ben, sur le paganisme, je pense que l'analyse la plus sensée que j'ai lue, c'est celle de Joseph Merel. Hein, c'est un peu souvent le cas. Dans son livre « Paganisme versus catholicisme », en gros, il explique qu'en fait, le néo-païen, alors il se réclame pas du tout du gauchisme, etc. Il exalte les vertus héroïques, etc. C'est comme c'est un absolu. Du coup, ça devient un dieu, parce qu'il n'y a rien au-dessus. Du coup, d'où le fait qu'il veut absolument avoir un dieu tribal, c'est-à-dire qu'il ne veut pas d'un dieu qui serait le dieu aussi des autres. Mais le problème, c'est que si un dieu qui n'est qu'un dieu d'un peuple particulier, ce n'est pas le vrai dieu, ce n'est pas le dieu de tout l'univers. Par définition, Dieu est absolu, et il possède tout ce qui est relatif, tout ce qui est créé. Donc en fait, ce qu'ils font à travers le paganisme, c'est une façon d'élargir son moi personnel dans une forme collective et de s'adorer soi-même. en fait, contre tout ce qui est raisonnable, quitte à croire des inepties pas possibles, parce que c'est ce qu'ont cru nos ancêtres dans quelques forêts au fin fond de la Germanie. Le racialisme juif théologique est pareil, d'ailleurs. Oui, c'est la même chose. Ils ont substitué à Dieu leur race, etc. Et c'est donc ça. Le sionisme. Et d'ailleurs, l'héroïsme, c'est un petit peu comme l'humilité, c'est une vertu dont il ne faut pas trop parler, parce que dès qu'on pense qu'on en a, on n'en a plus. Quoi. Et historiquement, ça s'est vérifié, c'est que souvent les champions du néopaganisme et du paganisme ont été des alliés objectifs des juifs, par exemple Julien l'Apostat. Julien l'Apostat, c'est quelqu'un qui a abjuré la foi catholique, qui voulait reconstruire des temples de partout, et il s'est fait l'allié des juifs, il leur a filé du fric pour reconstruire le troisième temple. Comme quoi, il y a vraiment une affinité de logique, en fait, au fond de cette attitude. Je trouve que c'est ce qui explique le mieux l'attitude des païens. Ce qui est vraiment insupportable avec tous ces païens, néo-païens qui ont une audience importante, malheureusement, c'est qu'ils sont vraiment hypocrites, en fait. Parce qu'ils connaissent la vérité, on a pu leur en parler, que ce soit en privé, en public, etc. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils nient vraiment? Ce qui les embête, donc bien sûr ils nient la vérité, mais ce qui les embête, en fait, c'est les dogmes. C'est le fait de devoir pratiquer la vertu, c'est le fait de devoir croire des choses pour être sauvés. C'est ça qui les embête. Et au final, ils font leur petit, ils prennent leur petite part de marché en détournant les gens de la vérité, parce qu'ils vont exciter en fait leur bas instinct. C'est ça. Et le paganisme, c'est vraiment on met en avant la force, la vigueur, les choses comme ça. Et en fait, c'est les bas instincts de l'homme, quoi. On met en avant le vice et non la vertu. Et bon, pareil, hein, j'ai des camarades qui sont païens ou néo-païens, en tout cas, qui se réclament du paganisme. Bon, au final, c'est rien du tout. Comme tu disais, Rex, voilà, ils aiment bien le folklore. Ils vont boire dans des cornes. Ils vont mettre leur ventre à la lune. Ouais, non, mais même pas. En fait, même pas, en parler, parce que personne qui se déguisait en sanglier. Ouais, mais en fait, comme le paganisme était une tradition orale, aujourd'hui, on a rien, quoi. On a rien. Donc, c'est-à-dire que les Alain de Benoît, etc., ils pensent créer ou redécouvrir des rites, mais on n'est même pas sûr. D'ailleurs, les seuls rites qu'on peut avoir païens, c'était transmis par qui? Par les moines chrétiens. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les mythes scandinaves, qui sont très connus, d'ailleurs, c'est un beau récit, enfin, ça peut se lire comme une histoire. Et Snorri Sturluson était un moine chrétien. Donc c'est grâce aux chrétiens, en fait, finalement, que, comme vous dites, que ces traditions sont restées, enfin, dans le folklore, etc. Et l'histoire de faire brûler des sangliers pour son mariage, ou boire des cornes dans la forêt, ça c'est en fait dans un bouquin là, que vous trouvez facilement, là, l'histoire des nationalismes de Anne-Marie Thiès. En fait, on apprend que c'est un pasteur protestant qui a mis au goût ce genre de choses, en fait, ce genre de folklore, un peu la forêt, les sangliers, boire dans des cornes. C'était un pasteur protestant en Suède ou au Danemark, je crois. Donc finalement. Alors, c'était un hérétique, mais finalement, c'est eux qui ont remis au goût du jour. Et puis c'était au 19e siècle, l'époque où la liberté de conscience était à la mode. Hein. Donc, comme disait Dédé, le dogme, voilà, à la poubelle, et puis on pense un peu ce qu'on veut. Et puis, voilà. Bon, ça a quand même un petit peu plus de consistance que Uderzo avec Astérix, en fait. Moi, je pensais que les païens se basaient que sur ça, mais non. L'on dit qu'il faut éveiller ses chakras, qu'il faut laisser monter l'énergie Kundalini, du chakra le plus bas jusqu'au dernier chakra, celui qui se trouve juste au-dessus de la tête, pour éveiller la fameuse glande pinéale. Il y a un point commun entre les protestants et les païens, c'est que les deux sont obligés d'abjurer leur raison, en fait. Parce que les protestants, ils seraient quand même que de la Bible. En fait, sans l'Église catholique, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de canon des Écritures. Ce que vous avez dit sur les païens, ça se vérifie de la même façon. Mais l'aspect supplémentaire pour le paganisme, c'est qu'il n'y a aucun argument rationnel pour se convertir en 2024 au paganisme. Enfin, moi, si je me suis converti au catholicisme, c'est parce qu'il y a des arguments rationnels inébranlables, en particulier les prophéties. Voilà, en plus de la simplicité, la beauté, la foi de l'Évangile. Oui, oui, en plus de tout ça, mais... oui la science moderne évince la cause première, vous savez, les principes moteurs. Par exemple, dans le miracle à Lourdes, il était tendance au 19e siècle, sous Napoléon III, d'être très rationaliste. Alors, d'un seul coup, ils vont analyser l'eau, ils vont dire « Ah oui, mais en fait, il y a beaucoup de sulfate et tout ça, c'est pour ça que ça guérit les gens, c'est tout, c'est rationnel, c'est fini. » Et en fait... on peut leur dire, ah oui, mais cette eau est très particulière par rapport aux autres, pourquoi? Et là, la question n'est pas traitée, ils s'en fichent. Mais en fait, c'est le miracle était justement là, en fait. Donc, et en effet, dans la science, on peut remarquer une chose, autant les gnostiques délirent, mais il y a du vrai, le monde que l'on voit n'est pas tout à fait la réalité elle-même. Par exemple, quand on a le monde des microbes ne se voit pas à l'œil nu. Donc, c'est sûr que la science humaniste, elle, réduit... ouais, physiquement, c'est ça. Oui, mais t'es un homme, donc t'es un peu daltonien. Donc, le blond de ses cheveux, tu le vois pas exactement comme il est, tu vois. Il y a un petit peu de ça, quoi. Si tu réduis la science à la perception humaine, voilà, là aussi, tu peux un petit peu te tromper. Là où le monde réel, des fois, est un peu différent. Mais il y en a qui partent tout de suite dans un délire assez balzacien. L'histoire réelle, c'est un monde d'apparence et machin. Et les conspirationnistes et les francs-maçons, pour le coup, se rejoignent là-dedans, dans ce fameux monde apparent. À partir du moment où ils abjurent complètement leur raison en embrassant le paganisme, ils terminent en acceptant en fait toutes les inepties qui ont été faites par les peuples blancs dans l'histoire sans réflexion. Alors, tu citais, on a vu sur un canal Telegram une photo d'une femme enceinte qui va se montrer à la lumière de la lune. Enfin, vous pouvez en parler mieux que moi, je pense. Oui, oui, et puis du coup, faire ça, alors faut ouvrir les rideaux, c'est important. Et du coup, si la femme enceinte se présente à la lune, elle a des rayons lunaires qui lui transpercent le corps, et elle devient fertile, voilà, le néopaganisme. Et donc apparemment, ça va convaincre des gens. Super, on va y aller. Hein. Bon, au moins, c'est une femme enceinte, c'est toujours mieux que Thaïs. Non, mais c'est de l'asile. Tu racontes ça à un psy, une fois l'asile, bien sûr, puis il a raison. Mais des blancs l'ont fait à un moment donné, donc il faut le faire. Oui, bah écoutez, il y a aussi des noirs qui mangent leur caca, hein, par exemple. Mais ce qu'il faut faire, d'ailleurs, j'ai l'impression que les supranégritude. Ouais, de Kébi Séba. J'ai l'impression qu'il y a certains noirs qui mangent leur caca et qui font des rituels comme ça en dansant autour du feu. J'ai l'impression qu'ils sont plus évolués que des types qui croient au pouvoir de la lune. Mais le néopaganisme, en fait, c'est simplement de la superstition, en fait. Je vais nuancer un peu mon propos, c'est pas vraiment purement de la superstition, mais en fait, on s'invente un peu des totems et des idoles comme ça, parce que, en fait, c'est le néant, sinon, au-delà. Et on a besoin de ce genre de choses pour se donner un peu aussi un genre, hein. Je pense que c'est le cas de... Moi, je pense pas que les néopagans croient à leur dieu, etc. Bon, on pouvait dire que les Romains croyaient pas vraiment à leur dieu, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils avaient une vision juridique de la religion, de leur religion. Mais aujourd'hui, oui, néopagien, enfin, ça n'a pas vraiment de sens au niveau rationnel. Enfin, c'est ce que vous aviez dit. Mais ça a un sens vis-à-vis des passions. Justement, ce que disait, je crois, Dédé Orex tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces gens ce qui les dérange dans le catholicisme, c'est l'exigence. Notamment du point de vue moral et du point de vue du dogme, soumettre son intelligence et il faut pas se livrer à la dégénérescence. Et le paganisme, en fait, les dieux, c'était une forme de divinisation des passions. Donc, en fait, c'est très commode pour pouvoir se vautrer, en fait, dans le sexe, dans ce genre de choses, en se prétendant être un contempteur de la modernité. Voilà, de ce point de vue-là, ça fait parfaitement sens. Ouais, et tous ceux qui dénoncent la modernité, qu'ils soient royalistes ou néopagnens, à chaque fois, c'est des rigolos. Et tu dis très juste, parce que j'en ai vu de nombreux, des jeunes blancs comme ça, qui partaient d'un bon sentiment. Alors, un petit message chrétien au début, quelques semaines après, tu attends et tu vois le message néopaganiste. Bon, il a abandonné le fait de faire un travail sur lui-même, on va dire. Hein. Mais pour revenir, oui, ce que je disais, en fait, c'est assez drôle, ça me fait penser à un passage de la Cité de Dieu de Saint-Augustin, en fait... Et il appelle à la raison en fait des païens. Il parle il exalte les bons côtés de Rome et puis le paganisme vraiment vraiment crade qu'ils avaient. Il parle d'une déesse qui s'appelait Berecynthia, je crois. Et puis en fait, ils dansaient de manière lascive devant cette déesse. Et puis Saint Augustin, il leur dit, vous dites que cette déesse est votre mère. Il dit, danseriez-vous comme ça devant votre propre mère? Ouais, c'est clair. Ouais. C'est même d'ailleurs les saints de l'époque, les premiers chrétiens. ont baigné dans un monde antique et païen, ils l'ont connu et ils ont parfois lu ces auteurs qui n'étaient pas forcément hostiles au christianisme, ça dépendait desquels, il y avait différents degrés, si bien que même Saint Jérôme, il s'accusait d'avoir une attache trop humaine, trop sentimentale à cette littérature, et en effet, les moines de l'époque, c'est eux qui ont conservé, voilà, les écrits se conservaient mal sur le papier, le papyrus et tout ça, donc... Ça a dû être réécrit, réécrit. Et si on a droit au texte du Stagirite Aristote et plein d'autres, c'est grâce aux chrétiens également. Et comme disait Elzinko, voilà, les protestants, ils ont que la Bible à la bouche, mais s'ils l'ont, c'est aussi grâce à l'Église catholique, même s'ils l'ont écharpé d'ailleurs dans certains de ces passages et tout ça. D'ailleurs, je recommande une référence intéressante par rapport à l'influence du paganisme, en fait, sur les mœurs, sur tout ça. C'est Monseigneur Gaume dans le Traité du Saint-Esprit, enfin, c'est dans la première partie. Et là, enfin, c'est un peu l'histoire de l'influence de l'esprit du bien, donc du Saint-Esprit sur la terre. Mais il parle avant de l'influence de l'esprit du mal. Et il parle des paganismes, de tous les rites et tout ça. Et à quoi ça mène, quoi. Ça mène à la débauche, au suicide, enfin, des choses vraiment diaboliques en fait. Et il explique bien comment un paganisme, l'erreur en fait, peut mener à des désordres moraux. Il parle très bien de cette époque en disant que tous ces païens, même les Romains, qui étaient un peu le summum un peu de cette civilisation avec les Grecs. Bah, eux-mêmes avaient des énormes travers là-dedans et qu'il y avait la dégénérescence était partout quand il y avait du paganisme en fait. Parce que l'esprit de Dieu n'était pas sur ces gens. Ça me fait penser, j'ai lu il n'y a pas longtemps que la religion la plus montante aux États-Unis c'est la religion du Wicca, en fait, de la sorte des sorcières. En Italie aussi ça marche pas mal. Ouais. Et ça se marie très bien avec l'idéologie féministe en fait parce que. Exactement, exactement. Il y a plein de déesses. Il y a tout un aspect occulte d'ailleurs dans l'histoire profonde du féminisme. J'ai découvert une américaine qui en parle, qui s'appelle Rachel Wilson. Bon, c'est une orthodoxe, mais elle écrit un livre sur le sujet. C'est qu'en fait, c'est religieux en fait le féminisme. Et il y a des divinités qui sont des divinités indiennes, etc. Comme une qui s'appelle Kali en particulier. Et en fait, Kali, c'est une déesse qui bouffe, qui se nourrit d'hommes en fait exclusivement. D'ailleurs, quand les Britanniques sont... c'est Caroline Forest alors peut-être. Oui, et puis les Wicca, je crois qu'ils sacralisent l'avortement. C'est beaucoup de femmes qui adhèrent à cette religion d'ailleurs, et je crois que la grande patronne de cette religion fait partie de la communauté, je crois d'ailleurs. Ah. C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. Merci, on va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Honteux. Je suis désolé. Honteux. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi je suis désolé. Je suis désolé. Non, arrête là. On coupe, s'il vous plaît, on enlève le général. Bah vous regardez Starhawk, c'est son nom, je crois. Il y avait une catholique qui avait fait une page, un blog là-dessus, j'avais lu. Mais il sacralisait l'avortement, c'était comme une sorte d'acte d'initiation. Vous voyez l'aspect satanique du truc. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette symbolique, elle est reprise par les chanteuses américaines, Beyoncé, enfin tous les trucs comme ça. Elles reproduisent des poses de ces déesses. Who run the world, girls? Il y en a qui disent Who run the world, Jews? Mais c'est que des. Yeah, girl power. Bon, bah, du coup, on peut dire white power, si c'est possible. Non, alors on peut pas. Bon, tant pis. Bon. Messieurs, je vous propose de faire une courte pause musicale et on va se retrouver du coup pour la deuxième partie de l'émission où je vous avais promis une deuxième nouvelle en provenance de Rome. Un peu plus conséquente cette fois-ci, il y a de la matière. À tout de suite. It's alright, you're ready for the night of your life. Stars will shine so bright. They say we're dancing the stress away. Hey, hey. This beat gets underneath your feet. Right now, together we will meet. This place will blow your mind away. Hey, hey. Welcome to the club now. Gonna pop it up now. This is an emergency. Now everybody's up now. We got it going on until the break of dawn. Welcome to the club now. Gonna pop it up now. This is an emergency. Music is my galaxy. Welcome to the club now. Everybody's Jump. Nous voici du coup pour la deuxième partie d'Oremus. On enchaîne avec une deuxième nouvelle comme promis qui vient du Vatican. Pas une bonne nouvelle, je vais vous lire un extrait de l'article qui vient de la Fraternité Saint-Pédis en version francophone. Fruit de divergence lors de la réunion du synode sur la synodalité à l'automne dernier, la question de la place que devraient avoir les femmes dans la vie de l'Église était au menu de la réunion d'un C9 singulièrement élargi pour l'occasion. Donc C9, c'est la congrégation de penseur du Vatican. Publié le 5 février 2024, le cliché du C9 en plein travail a laissé plus d'un prélat perplexe et pour cause, car il n'est pas commun de voir des femmes participer à l'une des réunions du Conseil des 9 cardinaux censés aider plus particulièrement le pape François dans le gouvernement de l'Église. Donc il y a un lien direct avec le début de l'émission. Encore moins lorsqu'une des participantes se trouve être une « évêque » entre guillemets anglicane. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a confirmé la présence de la révérente Jo Bailey Wells, secrétaire générale adjointe de la communion anglicane, de sœur Linda Potcher, religieuse salésienne enseignant la christologie et la mariologie à l'université pontificale de l'Auxilium, et de Giulia De Berardino, une vierge consacrée exerçant l'office de liturgiste, attention, femme, dans le diocèse de Vérone, en Italie. J'espère que j'ai bien prononcé tous les noms, peu importe. Jo Bailey Wells, accrochez-vous, est l'une des premières femmes à avoir été ordonnée au sein de la Church of England et s'est signalée pour avoir signé des contributions universitaires faisant l'apologie de l'idéologie du genre. Voilà, les 9 cardinaux qui entourent le pape François vont prendre conseil auprès de cet évêque qui enseigne l'idéologie du genre. Intéressant. Et de son côté, sœur Linda Potcher a accordé un entretien à l'agence d'information religieuse Vida Nueva le 13 décembre 2023, alors là j'ai pas compris, dans lequel elle dénonçait de prétendues formes plus ou moins agressives de machisme et de cléricalisme au sein de l'Église. Dédé, je pense que c'est un sujet pour toi. Qu'est-ce que tu penses de l'excès de cléricalisme dans l'Église? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Bah écoute, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Donc elle a invité à venir dans le Saint des Saints, cette commission des 9 cardinaux qui sont censés conseiller Bergoglio, donc le chef suprême de l'Église conciliabulaire. Et en fait, alors qu'elle est en première ligne, qu'elle aussi, elle peut donner des conseils, donner son avis, elle va quand même te critiquer le cléricalisme, quoi. C'est vraiment abusé. Elle a directement accès à Bergoglio pour lui dire quoi faire, en fait, concrètement, qu'il faut plus de femmes dans l'Église et moins d'hommes, hein, en tout cas... que les hommes aient moins de pouvoir, mais elle va quand même te dire que l'Église est machiste, quoi. C'est... c'est vraiment abusé. J'ai l'impression que c'est sans fin, en fait. Donc, il n'y aura pas que des femmes prêtres, bien sûr. Hein, parce que... mais il faut une papesse, en fait. Tu vois, il faut une papesse Wicca, justement, je pense, pour qu'elle soit contente, en fait. Il faut que ça ressemble à la mairie d'Hidalgo, quoi, qui est que des dames dedans, ouais, c'est ça. Et puis on revient, en fait, on a à moitié saigné le sujet avec Thaïs, mais c'est la docte Marie-Madeleine. En fait, là, ils n'ont aucune référence pour appuyer ce qu'ils font, mais voilà, ça se féminise comme le reste. Il faut rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. On en est là, hein, on en est à la Jeanne d'Arc de Luc Besson, quoi. C'est Tomb Raider, quoi. C'est même plus Sainte Jeanne d'Arc, ça n'a aucun sens. Alors que nous, on veut moins de théologie et plus de nettoyage. Quoi. Ouais, de quoi ils vont discuter, ces gens-là? Ils vont quand même parler avec une évêque anglicane qui fait l'apologie de l'idéologie du genre. Non, mais on sait déjà sur quoi ça va aboutir. C'est sûr et certain, c'est pour parler de la femme prêtre, de la prêtrise des femmes, etc. Leur but, c'est détruire le sacerdoce. Donc voilà, ça va être un pas de plus pour la destruction du sacerdoce. Je crois qu'ils parlent déjà du diaconat féminin, il me semble. Donc voilà, c'est de la première étape. Ouais, il faut rentrer par le bas. Prochaine étape. Petit et en fait, dans les églises modernistes, hein, quand ils font leur messe, hein, entre guillemets, hein, les pièces de théâtre, il y a déjà des femmes qui lisent les textes des évangiles. Les biscottes de Paul VI. Qui lisent les textes et les saints textes et qui distribuent la communion. Quoi. C'est déjà des femmes qui font ça. Donc c'est, pff, voilà, l'étape d'après, bah oui, elles pourront carrément faire la consécration, etc. C'est l'étape d'après, c'est les femmes prêtres. Ouais. Puis dénoncer le cléricalisme dans l'église, bon, enfin, ouais. J'ai pas comment expliquer quoi que. J'ai bugué, franchement, j'ai vu Par où commencer ouais, en même temps, le contact avec la réalité, bon, ils l'ont perdu à Rome là, mais en France, à partir du moment où t'avais un gars qui passait, bon, peut-être pas à la télévision, mais à arrêt sur image, et puis ça fait autant de vues que la télévision, de toute façon, ça en a fait même plus, qui te disait, voilà, faut pas confondre identité de genre, expression de genre, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme, etc. Sexiste et homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. Non, non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon, ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Le contact avec la réalité, voilà, telle qu'elle est tellement perdue que depuis, techniquement, je pense qu'on peut chauffer ses raviolis dans le bac à linge sale. Enfin, on peut tout faire là. Hein. C'est, en effet, on va arrêter de se limiter au droit canonique et au magistère de l'Église. Allons-y les gars, fonçons, c'est la fête quoi. Il y a plus de verrou, il y a plus de digues, elles ont toutes sauté. Moi je pense que dans 10 ans, si cette institution existe encore, on aura les chats prêtres. Mais parce que j'ai vu. Ah bah, il y aura Marine Le Pen alors. Ouais, il y aura le caviar et le champagne. Là. Ça sera pas Wicca, ça sera Whiskas. Mission de Piers Morgan là, en Angleterre. Il faisait un débat sur le fait qu'il y a de plus en plus de gosses dans les écoles qui s'identifiaient comme des chats, comme des chiens. Alors ils savaient pas quoi faire. Donc, quand ces gens-là seront adultes, ils pourront aller au Vatican en étant évêque de je sais pas quoi. Ils pourront dire voilà, il y a pas assez de chats évêques. Monseigneur Miaou. Ouais, après, là, tu joues la carte de la discrimination sur le CV. J'ai hâte. Ils pourront déjà avoir leur carte ORN. Quoi. Est-ce qu'il y a plus d'homosexuels ou de chats ORN? Je sais jamais. Ça doit être 50-50. Ils doivent se partager le gâteau. Bon alors, je vais aller un peu plus loin que Dédé. C'est-à-dire que je suis évidemment convaincu que les femmes prêtres, bon, ça, ils vont essayer de le pondre. Et je pense qu'aussi, c'est un lien direct avec le célibat des prêtres. Alors ça, depuis le temps qu'on nous en parle, ils vont essayer de le faire sauter. Ouais, bien vu, bien vu. C'est quand même un gros problème qu'on ait beaucoup de prêtres qui soient des Africains qui n'ont pas un QI vraiment très, très supérieur, parce que le rôle du prêtre, c'est vraiment d'être un petit peu, d'avoir un QI assez élevé pour pouvoir ne serait-ce que comprendre la Bible, qui est assez compliquée, et l'expliquer tous les dimanches aux fidèles. Parce que sans ça, en fait, le laïc, il n'a pas accès à la Bible, normalement. C'est pour ça que pendant très longtemps, en fait, l'Église ne favorisait pas forcément que les laïcs puissent lire la Bible, parce que c'est un texte vraiment très compliqué. On voit ce que ça donne avec les protestants, en fait. Hein. Donc là, il y a de plus en plus de noirs, hein, partout, hein, vraiment. Alors, dans la tradition, moi, je n'ai jamais... Non, pas dans la tradition, pas du tout dans la tradition. Mais chez les gens, pas un, quoi, jamais. Hein. Oui, non, dans la tradition, il n'y en a pas du tout. Hein. D'ailleurs, par rapport au célibat des prêtres, il y a beaucoup de mariages maintenant chez les modernos qui se font par des diacres, en fait. Mais des diacres, chez les modernos, ils sont mariés. Bon, certes, le sacrement de mariage est donné par les mariés, hein, l'église, le prêtre est là en tant que témoin de l'église, mais en fait, c'est un peu un moyen, un peu sur surreptice, comme ça, d'intégrer le fait qu'on puisse avoir une sorte de... Enfin, de toute façon, le prêtre chez les modernistes, c'est plutôt un maître de cérémonie, quoi. C'est la salle des fêtes, quoi. Mais là, ils essayent un peu de faire avaler la pilule comme ça, je pense. Moi, j'ai quelqu'un de la tradition m'a dit une fois, en voyant ça, elle m'a dit, oui, ça c'est pour faire encore passer le mariage des prêtres. Comme ils ont toujours tendance à faire passer ce genre de pilule avant de proclamer la chose. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que le Christ n'a pas voulu que les femmes soient prêtres. Il y a aussi une information qui nous est donnée. Oui. Elle n'a pas voulu que ce soit la femme pour des raisons qui tiennent à sa capacité, en fait. Sur le plan de l'intellect aussi, elle n'a pas forcément les capacités de pouvoir traiter les profondeurs et les différentes couches de signification qu'il y a dans la Bible. Donc ça nous ramène aussi à cette inégalité naturelle entre l'homme et la femme qui a été proclamée par le Christ. Il a insisté, hein, Christ, il a bien montré, quoi. 12, hein. Pas 1, 2, 3, il y en a 12. Ouais. Et puis ceux qui sont venus après. Paul, Matthias, etc. Enfin, ok, il n'y a que des hommes, quoi. Il n'y a que des hommes. Comment est-ce que ces gens peuvent nous dire toupet absolument énorme. Oh, c'est un hasard. Mais de toute façon, Saint-Paul est très clair avec le fait que les femmes puissent enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Timothée 2:12. Les femmes ne peuvent pas être docteurs. D'ailleurs, les femmes docteurs de l'Église, ça date de Vatican II. C'est Paul VI qui a, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila ou autre, alors que c'est plutôt des gardes aussi, ouais. Oui, Sainte Hildegarde. Enfin, en fait, les femmes sont plutôt des mystiques en général. Quand elles ont des très grandes vertus, il y a les docteurs de l'Église, mais il y a les grandes femmes mystiques. Il y a Sainte Thérèse d'Avila, il y a Sainte Catherine de Sienne. Il y a aussi, oui, Hildegarde, oui, bien sûr. Mais en fait, elles ne peuvent pas enseigner. Docteur, docere en latin, c'est enseigner. Saint Paul précise très bien que c'est pas le rôle à la femme d'enseigner. Son rôle, c'est d'écouter. C'est comme à la maison. Cuisine ! Et dans le triple pouvoir de l'Église, d'ailleurs, elles sont absentes. Donc, à savoir gouverner, enseigner et sanctionner, c'est pas du tout leur rôle. Et ça ne leur sied pas, de toute façon, ça leur sied mal. Et du coup, on peut imaginer un futur où, dans l'Église conciliabulaire, tu auras des couples de prêtres, en fait, des hommes prêtres avec des femmes prêtresses, comme chez les protestants, en fait, hein, tout simplement. Parce que les gens peuvent nous répondre... Oui, mais vous comprenez, la vie d'un prêtre en tant que célibataire, c'est difficile. Mais moi, à cet argument, je réponds, tant mieux. Parce que si c'est facile de devenir prêtre, il y a beaucoup de candidatures et les prêtres, c'est une élite, en fait. C'est une élite morale, une élite intellectuelle. Tout le monde n'a pas vocation à devenir prêtre. Déjà, il faut avoir la vocation en tant que telle. Et même si vous avez la vocation, il faut travailler sur soi, quoi. C'est une vie de sacrifice. Alors, bien sûr, il y a ce sacrifice-là d'être célibataire. Et demain, si vous enlevez ça, plein de types qui vont se présenter et ça peut être catastrophique. Catastrophique, parce qu'ils n'auront pas les épaules assez larges pour supporter ce poids. J'ai un respect immense envers les prêtres comme ça qui dédient leur vie pour cette belle mission. Et il faut avoir conscience que c'est quoi ? C'est du 1% à pour 1000, quoi. Se donner au Christ, oui, c'est se donner effectivement à 100%. Et celui qui se donne à 100%, c'est le prêtre. Donc c'est vraiment le soldat numéro 1 de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le prêtre qui ne peut pas avoir d'autres exigences donc liées à la femme, liées à une famille. Non, il est tout au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, aux différents postes que l'Église va lui attribuer, que ce soit la gestion d'une paroisse, la gestion d'un institut, le rôle de plus de confesseur, plus de prêcheur, que ça va être moine, que ça va être un religieux ou un abbé. Donc effectivement, quand on se donne au Christ à 100%, on ne peut pas avoir à côté d'autres contraintes du style familial. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité d'ordonner des gens mariés. J'ai fait un article récent contre Mgr Vincer pour montrer que c'est de la folie et que c'est totalement contraire à la tradition. Un évêque français qui avait suggéré que devant la désertification du clergé, qui n'est pas très visible à Paris, parce qu'à cause de Mgr Lustiger, et puis il y a du monde. Mais en province, attendez, chaque curé a 30 ou 35 clochers. Mais pourquoi c'est pas la solution ? D'ordonner des prêtres, d'ordonner des gens mariés. Alors bon, on peut commencer un débat, mais ça peut être un peu long. D'abord, c'est pas du tout dans la tradition latine. Voilà. Deuxièmement, il faut les former. Il faut les former. Et troisièmement, je connais un petit peu l'exercice du sacerdoce. J'ai 40 ans de sacerdoce dans 3 jours. Je ne vois pas comment on peut faire à s'occuper d'une femme et des enfants, en plus de ses activités sacerdotales. On n'est plus à plein temps, on devient un fonctionnaire. Voilà. Je ne parle pas des petits détails, il faut les former. Attendez, nous, on a tous fait 5, 6, 7 ans de théologie. Et ils vont les faire quand et comment et voilà. Avec femmes et enfants. Voilà, secret de la confession. Et puis, si vous voulez, il y a beaucoup plus important que toutes ces petites choses. Il y a le fait que, pour un prêtre, c'est quelqu'un qui doit, d'une manière ou d'une autre, ressembler au Christ, à Jésus-Christ, à Jésus de Nazareth. Voilà, c'est tout. C'est une question spirituelle, beaucoup plus profonde. Un prêtre, même les païens le sentent. Je pense à Jean-François Kahn qui disait, mais même, il y a quelque chose de Jésus-Christ dans le prêtre, pas dans le pasteur. Il y a quelque chose de Jésus-Christ. Alors, celui qui prétend incarner Jésus-Christ doit être célibataire comme lui et avoir le mode de vie qui correspond à Jésus-Christ. Voilà. On rétorque aussi l'exemple des prêtres maronites, qui sont des catholiques. et qui ont une discipline particulière, et le mariage est permis pour eux. Et c'est pas un truc lié à Vatican II, etc. C'était bien avant. Ça remonte un peu. Alors effectivement, ça existe. Et moi, je peux vous en parler parce qu'il y a un prêtre que je connais très très bien qui connaît ces gens-là, qui sont catholiques, hein, vraiment. C'est pas une histoire de tradit, pas tradit, etc. Et même eux disent, bah voilà, ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Ils ont plus leur mission de prêtre. Même eux disent, sont obligés d'avouer, que ça rend leur vie très compliquée parce que bah quelqu'un doit amener de l'argent, donc c'est madame. Et puis si madame elle est mutée, alors tu te rends compte, t'es obligé de parler à l'évêque parce que tu dois aller suivre madame, je sais pas, le bout de la planète, je sais pas. Enfin, ça rend, et puis tu fais bien sûr passer tes enfants avant les autres enfants. Bref, c'est un tas d'embêtements en plus. Ça rend pas la vie des prêtres plus simple. Ça, c'est un faux argument. Et puis voilà, c'est une histoire de discipline, comme je le disais en préambule. Donc c'est une permission. D'ailleurs, il y a des restrictions. C'est-à-dire que vous pouvez pas devenir, vous êtes, on va dire, maronite. Une fois que vous êtes prêtre, vous ne pouvez plus vous marier. Ça se passe pas comme ça. C'est en fait, vous êtes déjà marié. Et, sur certaines conditions, vous pouvez devenir prêtre. Et bien sûr, on parle d'un cas, là, les maronites, je sais pas combien ils représentent en nombre, mais c'est pas beaucoup. Et même ces prêtres-là, qui peuvent être mariés au préalable, ils ont aussi des restrictions. Par exemple, ils peuvent même pas devenir évêque. C'est impossible. C'est dans les statuts. Justement, à cause de la charge. Donc, vous voyez, en fait, de prime abord, les gens présentent la chose d'un air de dire, oh, bah, ça va être simple, vous avez vu, on simplifie les choses. En fait, non, vous m'avez compliqué. On dit les prêtres maronites comme si tous les prêtres maronites étaient mariés. En fait, eux-mêmes ont conscience que c'est un degré de sainteté plus élevé que d'être prêtre, donc maronite, hein, parce que c'est leur tradition, leur coutume, avec leur rite, mais qui sont catholiques, qui sont 100% valides, non mariés. Voilà. Eux-mêmes le reconnaissent que c'est plus saint, c'est plus héroïque d'être un prêtre non marié. Et bah, y en a certains, effectivement, ils sont mariés, comme tu dis, dans certaines conditions très particulières. Je pense que c'est les enfants, peut-être, qui doivent être majeurs ou qui ne doivent pas être une charge trop lourde, même si ça reste une charge qui est assez lourde, qui peuvent devenir prêtres. Quoi. Il faut tenir en garde, ce n'est pas une garantie de sainteté pour le prêtre de ne pas être marié. Il va être en butte à beaucoup de tentations. Pour moi, les plus grandes tentations du prêtre, c'est l'orgueil et l'ambition terrestre. Parce que, bon, c'est sûr, c'est un état... S'il est vraiment embrassé de façon sincère, c'est ce qu'il y a de plus élevé et de plus pur. Mais justement, de se dire que c'est ce qu'il y a de plus élevé et de plus pur aussi peut créer un certain esprit d'orgueil. Il y a aussi le danger de... C'est-à-dire quand vous renoncez à la sexualité et ce genre de choses qui est une forme de... C'est une passion, c'est une façon de dominer aussi. Vous n'êtes pas à l'abri de la passion de dominer terrestre, qui passe par la politique et ce genre de choses, et qui est une passion beaucoup plus forte, en fait, que, par exemple, les excès sexuels, ça concerne souvent l'âge jeune de l'homme, mais ensuite, plus il avance, plus il va avoir tendance à être attiré par l'avarice et par le pouvoir, disons, sur son entourage et dans la société. Et le prêtre n'est pas du tout à l'abri de ça. Aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu plus à l'abri, je parle des vrais prêtres hein, dans la tradition, etc., parce que de facto, il n'y a quasiment plus aucune influence sur la société civile. Et pour moi, le moderniste, en fait, est la punition de cette ambition qui a sévi et qui fait écho, hein, malheureusement, mais à ce qui s'est passé sous l'Ancienne Alliance, en fait, à l'époque du Christ, en fait, c'est les représentants de Dieu, donc les pharisiens, qui étaient tombés dans ce péché d'ambition et de domination de la société. En fait, ils faisaient de Dieu et de la vraie religion un instrument de leur soif de domination. Là, leur juif, le juif au doigt crochu, au nez crochu. Ce qui a causé la fin de l'ancien temps. Donc, je pense qu'il est bon aussi pour le clergé de se purifier par rapport à ça et de bien sonder les intentions des candidats. Bon, maintenant, il y a moins de risques, hein, mais à une époque, devenir prêtre, c'est le cas aujourd'hui pour les Africains, par exemple. En fait, quand ils deviennent prêtres, ils montent dans l'échelle sociale. Donc, quand il y a ça, il faut aussi rester prudent. Ce qui est sûr, c'est que le démon s'acharne beaucoup plus sur les saints hommes et donc sur les prêtres qui vont vraiment travailler sur eux. Je pense qu'il y a moins de démons dans toute la ville de Paris, parce que tout le monde est déjà se laisse aller au vice, etc., que dans un séminaire, un monastère, ouais, où c'est des vrais catholiques, quoi. Moi, j'aime bien Padre Pio, hein, et on a pas mal de témoignages, hein, sur Padre Pio, qu'il se battait physiquement avec le démon dans sa cellule, que le lendemain, il était retrouvé en sang. Comme le Saint-Curé d'Ars. Ouais, voilà, le Saint-Curé d'Ars. Donc, c'est des gens qui voulaient absolument la sainteté, qui se battaient pour la sainteté, qui avaient une discipline de fer à ce niveau. Et au final, le démon les harcelait. Ils étaient vraiment très, très présents. Quoi. Donc, ouais, tu fais bien de dire ça. C'est vraiment très dur pour le prêtre aujourd'hui. Et donc, pour tout ce qui est lié à l'orgueil, qui est le principal péché des hommes, hein, et ben peut-être que le prêtre peut être encore plus soumis à ce péché d'orgueil. Parce que toi, à la place d'avoir 2-3 démons qui viennent t'encourager à l'orgueil, bah peut-être que c'est des centaines et des centaines qui s'en relâchent le tente. D'ailleurs, je rebondis à ce que vous dites par rapport à l'orgueil, surtout à l'ambition qui peut être vraiment le péché majeur en fait, d'un prêtre éventuel. C'est Don Sarda et Salvani, dans le libéralisme est un péché, lorsqu'il parle des hérésies, c'est intéressant, ce qu'on ne remarque pas forcément au premier coup d'œil, mais il dit que la plupart des grandes hérésies sont nées de clercs, en fait, de prêtres ou d'évêques. Et quand vous regardez, pas majoritairement, c'est le cas. L'ambition parfois peut leur monter à la tête, et puis bah, comme Luther ou comme Cranmer en fait en Angleterre, ou Jean Hus ou Wycliffe en Angleterre aussi, bah, c'est le péché vraiment majeur en fait des gens oui. de cette classe-là. Mais c'est passé pour la mener aussi avec le catholicisme libéral, c'est oui, bien sûr. Prêtre, et c'était une façon en fait. Il y avait un journal à l'époque qui était tenu par Montalembert, et après il y a Louis Veuillot qui écrivait dedans l'univers. Mais il s'est trouvé qu'il y avait une alliance de circonstances au début entre les ultramontains et les libéraux au sein du journal, parce que Montalembert c'était un libéral, Louis Veuillot c'était un ultramontain. Et en fait, c'était une alliance de circonstances pour avoir de l'influence sur la société. Parce qu'en fait, on peut voir le catholique libéral comme quelqu'un qui a envie, en gros, d'instaurer un peu une théocratie, mais il voit qu'il ne peut pas revenir à l'ancien régime, il y a ses idées de liberté, de machin, il ne peut pas les dégager. Donc, il va un petit peu adopter leur langage, avoir les mêmes revendications, mais au nom de la liberté. C'est-à-dire, voilà, la liberté du catholique d'être complètement désintéressé de la vie de la nation, de s'éduquer dans son coin comme il a envie, au nom de la liberté. Et ils se sont alliés, il y a eu une loi, la loi Falloux qui est sortie sous la Seconde République, qui a un petit peu donné ce qu'ils voulaient, mais ce n'était pas assez pour les ultramontains, ils voulaient plus, en particulier Louis Veuillot, et c'est là qu'il y a eu la séparation vraiment actée, la guerre qui a commencé entre voilà, le cardinal Pie d'un côté, Louis Veuillot, donc Guéranger, et de l'autre côté, les catholiques libéraux, Montalembert. Mais le dénominateur commun, c'était à la base, pour moi, malheureusement, une ambition d'un certain clergé, enfin, surtout des évêques, j'imagine, plutôt que le clergé supérieur que le clergé inférieur. Et bien, sur ces belles paroles, messieurs, je vous propose de passer au sujet suivant. On va prendre une question d'un éditeur, en l'occurrence une auditrice. Ah, comme quoi, comme quoi on n'est pas si misogyne. Hein. Bonjour madame, vous allez bien ? C'est comme Sacha Guitry, quoi, contre les femmes, tout contre. J'espère que vous avez bien apprécié les 2 premières heures d'émission. Envoyez-nous un message, envoyez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Alors c'est une madame, parce qu'elle a des enfants, etc. Elodie Minarczyk, alors c'est pas facile à prononcer les noms polonais, je m'excuse d'abord pour la prononciation, mais tain, si tu places ça au Scrabble, t'es bon, hein. Là je fais mon compte triple, c'est pas mal. Elle nous dit « Les incrustations sonores donnent quelque chose d'unique au rendu final, j'ai beaucoup ri, on ne trouve pas d'équivalent ailleurs, merci pour les références cinématographiques catholiques de l'émission de février. Si vous en avez d'autres que mes enfants pourraient regarder aussi, je suis preneuse. Que Dieu vous garde. » Donc là, c'est un sujet cinéma, donc je suis obligé d'enchaîner. Là, on me tente. On peut déjà énumérer très vite fait les différents films dont on a parlé dans les différentes émissions. Donc, Le Seigneur des Anneaux, les 3 sont excellents. Le Monde de Narnia, effectivement, c'est des films. Enfin, surtout Le Monde de Narnia, d'ailleurs, si vous ne comprenez pas, je le répète que le lion dans Le Monde de Narnia, c'est le Christ. Vous passez un peu à côté d'une partie du message, ce serait dommage, mais c'est un bon film pour les enfants aussi. Et La Passion du Christ, je dirais pas que c'est un bon film, mais peut-être pas forcément pour les enfants. On a aussi cité La Vie de Jésus, qui est disponible en français sur YouTube. Et Elzinko avait parlé de la série The Chosen dans les émissions précédentes. Et donc moi, je vais rajouter quelques petits titres. Donc La Loi du Silence, qui est un vieux film d'Hitchcock, qui est en fait un film policier, et je peux pas trop vous dire le lien avec la religion catholique, mais il y a un lien énorme, parce qu'en fait ça parle quasiment tout le film du confessionnal et puis du secret du confessionnal, un film très bon avec une bonne morale. Je peux aussi vous citer Quo Vadis, donc pareil, c'est un très vieux film aussi, en couleur sur la conversion d'un soldat romain au christianisme. Un film excellent que les enfants peuvent regarder aussi. Je peux citer le film Prisoners. L'acteur principal, c'est Hugh Jackman, mais l'autre, c'est un juif, donc vous voyez, donc on n'est pas sectaire. Qui est, je dirais, ça dépend quel âge vos enfants, Elodie, parce que il y a de la violence, mais ça reste quand même un excellent film et il y a un lien direct avec le catholicisme. Si vous posez la question, quelle est la motivation du gentil et quelle est la motivation du méchant, pareil, je ne vais pas spoiler, voilà, vous vous rendez compte bien sûr du lien. Et puis je suis obligé de citer Ben-Hur. Alors ils ont fait un Ben-Hur, ils ont fait une version remasterisée récente que je ne conseille pas du tout. Alors ils ont mis de l'argent et puis les effets spéciaux sont sympathiques, etc. Mais en fait, les acteurs ne savent pas jouer, tous, même l'acteur principal, et c'est vraiment criant. Je ne peux pas conseiller ce film. Par contre, le vieux Ben-Hur, ça reste toujours un très bon film. Les enfants peuvent le regarder. Le problème, c'est que c'est un film qui dure 3 heures, et puis ça se voit au niveau de la patte graphique que ça a vieilli. Quoi. Ça a vieilli, surtout la scène de la course du char, qui, j'imagine, pour l'époque, était flamboyante. Maintenant, ça a quand même mal vieilli. Mais le film en général reste quand même excellent, donc je peux vous conseiller tout ça. Voilà, donc je vous laisse la parole, messieurs, si vous avez d'autres films à conseiller, n'hésitez pas. Je peux conseiller, par exemple, la vie des saints, en fait, quelque chose de tout simple quand vous n'avez pas spécialement une idée. Bon, il y a plein de vies de saints comme celle du Saint Curé d'Ars ou des choses comme ça. Vous pouvez taper ces mots-clés sur YouTube avec le mot peut-être film complet ou quelque chose comme ça. Et là, au moins, vous n'aurez aucun souci de morale et en effet, vous avez là un film pleinement catholique, et il y en a de nombreux qui ont pu être tournés entre les années 20 et 60, et c'est vrai que malheureusement, quand on veut se faire une culture cinématographique, si on veut que ça reste catholique, chrétien, ou en tout cas ne pas trop porter atteinte à la morale, ça réduit considérablement les choix, on va dire. Donc en filigrane, je pense que aussi la dame demandait un peu des films moraux. Et là-dessus, dès que c'est 21e siècle, ça devient très compliqué, à moins de vraiment se limiter à des films genre Passion de Mel Gibson ou des choses comme ça. Mais ouais, là, après, vous avez les références. Bon, même Louis de Funès, par exemple, c'était un tradi et un Royco. Hein. Mais bon, ces films ne sont pas spécialement sur le thème. Même des films comme Marquise des Anges, bon, c'est pas si. C'est plutôt à voir entre adultes, ça, c'est pas spécialement pour les enfants. À la limite, Comte de Monte Cristo, vous avez des petites choses un peu alentour et qui sont quand même pétris assez bien de christianisme, mais même les œuvres de Balzac, voilà, éviter. Enfin, on est énormément limité si on veut faire ce choix moral tout de même. Alors, puisque tu parles du Comte de Monte Cristo, je suis obligé de signaler l'existence d'un film sud-coréen qui s'appelle Old Boy, qui reprend les grandes lignes du Comte de Monte Cristo à la sauce sud-coréenne, donc adaptation très très très très libre. Et le film est très bon, il y a des moments un peu malsains. Je ne conseille pas du tout pour les enfants. En tant qu'adulte, si vous avez du recul, ça reste quand même un excellent film. Et on voit que même eux, finalement, se basent sur nos chefs-d'œuvre, on va dire, européens, pour faire des adaptations. Encore une fois, c'est très très libre comme adaptation, mais ça vaut le coup d'œil. Ouais. Rex a parlé de vie de saint. On peut citer Monsieur Vincent de 47, joué par excellent Pierre Freinet, protestant de son état, mais c'est un très très beau film sur Saint Vincent de Paul. Le Saint Curé d'Ars, c'est un film, mais malheureusement, il a pas été restauré. Hein. Il date de 49, ça s'appelle Sorcier du Ciel, c'est très très bien fait. Bon, c'est un condensé de la vie du Saint Curé d'Ars, hein, mais c'est très très beau. Avec des vieux acteurs, c'est vraiment super. Faut aimer le noir et blanc, c'est pour ceux qui aiment. Et il y a un film un peu, voilà, c'est un peu moins connu, c'est un film, une réalisatrice, hein, on parle quand même de réalisatrice, hein, émission spéciale femme. Hein. Et c'est un film de Kinuyo Tanaka, c'est une réalisatrice qui a fait beaucoup de films au Japon, elle était actrice aussi. Elle a fait un film sur un samouraï chrétien qui s'appelle Mademoiselle Ogin et c'est très très bien fait. Vous voyez un samouraï avec une énorme croix qui parle de la Sainte Vierge et c'est un très beau film, c'est en couleur d'ailleurs, c'est des années 60 et je recommande beaucoup ce film. Voilà, c'est assez rare, surtout c'est japonais, donc c'est d'autant plus singulier. Perso, je suis pas trop culture cinéma, mais bon, on va encore rester au niveau de la gente féminine. De la foi en 33 et le triomphe de la volonté en 34. C'est un peu les films, en fait, de propagande national-socialiste. qui sont toujours très bons et qui donnent plein de courage, surtout à montrer aux enfants. Je pense que c'est bien pour que les enfants aient une bonne image du national-socialisme, etc. Ou sinon, de voilà, manière plus générale, les péplums, généralement, c'est quand même pas trop mal, quoi, avec des bonnes valeurs. Exactement. Ouais, bonne référence, en effet, péplum historique, histoire médiévale, antique, ou des choses comme ça, en fait. Voilà. Bon, si c'est médiéval, il y aura forcément du christianisme un minimum, en plus. Donc, faut un petit peu faire ses petites recherches et tout, sur telle ou telle personnalité. Il y a de quoi trouver son bonheur, quand même. Mais faut rechercher et pas trop aller sur Netflix voilà, pour chercher la culture woke trans. Oui, au passage, j'ai un autre petit film. Bon, c'est un peu. C'est années 60, c'est réalisé par un juif. Hein. La porte! Au pied. Monsieur Gutmann, patron des patrons, roi des rois. On avance vite, vous savez. On en est déjà à la séquence. Qu'est-ce que c'est que ces dialogues à la con? Je comprends pas, monsieur Gutmann. C'est pourtant le scénario que vous avez approuvé. Ça fait des années que je valide des merdes sans les lire, c'est pour ça? Toi, t'es un bon. On sent la haine dans son regard. Il me déteste. C'est bien. Il a raison. Oh, non, je pense pas qu'il vous déteste. Je t'ai demandé ton avis. Non. Alors pourquoi tu me le donnes, Trouduc? Le bambou là, il est parfait. L'autre, là, je le connais, c'est mon cousin. Oh, votre cousin! Ça m'étonne pas qu'il soit aussi bon. La ferme! Il est mauvais comme un cochon. Mais je m'en fous parce que c'est mon cousin. Faut bien placer la famille. Toi, tu vas me faire une belle carrière avec ta tête de tafiole. Tu vas peut-être avoir un peu mal au cul, mais je te promets un César dans les 5 ans. Et César, c'est moi, c'est la famille. T'es juif? Pardon? T'as l'habitat col roulé? Dis-moi la vérité. Oui, mais je suis pas pratiquant. Juif et pédé, t'as tout pour réussir. C'est assez étonnant sur un prêtre, c'est joué par Belmondo, donc on peut critiquer Belmondo qui joue un prêtre, bon, bref. Mais c'est une communiste qui va se confesser pour provoquer le prêtre, mais en fait, elle finit par se convertir, donc c'est assez intéressant. En fait, le problème, ouais, c'est vraiment bien comme film. Et en fait, c'est une vision. On sent qu'on est en 61. Il y a vraiment une vision assez positive de. Enfin, il n'y a pas vraiment de parti pris sur l'allemand ou l'italien, en fait, parce que c'est une ville qui est occupée. Ça se passe dans une ville qui est occupée par les Italiens. Ça se passe pendant la guerre et juste après par les Allemands. Et en fait, il n'y a pas du tout de parti pris négatif, en fait, alors que c'est réalisé par un juif. C'est intéressant. Et puis il y a une conversion. C'est intéressant. Il y a juste une scène qui est peut-être un peu bizarre. En soi, c'est bon, pas forcément un film pour les enfants, mais c'est un film chrétien voilà, qui peut se regarder très bien. Voilà, c'est années 60 également. On a la petite série, bon, c'est peut-être années 70 des Don Camillo à la limite. Bon, c'est un peu un film du midi, mal d'accent là-bas, même si c'est censé être un contexte italien et face à un communiste pépone. Alors les deux se font la guerre, mais sont un peu amis aussi. Et c'est assez intéressant, ça se laisse voir. Et la sixième partie. C'est carrément, sans peut-être le dire trop explicitement, Don Camillo qui subit Vatican II. C'est impressionnant. Mais bon, c'est vraiment le contexte d'époque. Quoi. Comment s'appelle déjà notre gentille auditrice? Elodie. Elodie. Ah bon, alors, chère Elodie, alors, moi, je suis vraiment pas pour les films, mais allez, j'ai une exception. Alors, bon, je vous conseille d'installer un rétroprojecteur de façon à ce que votre bébé, pour commencer le plus tôt possible, dans le berceau, puisse voir la rétroprojection. Alors, c'est un film qui est sorti en 1940, supervisé par Joseph Goebbels, il s'appelle Le Juif éternel, Der Ewig Jude. C'est un film très chrétien. voilà, donc là, vraiment sans modération, le plus tôt possible, pendant la nuit. Pendant la nuit, si jamais ils se réveillent souvent, les enfants, donc si jamais ils se réveillent, ils puissent savoir. En même temps que le bain de lune, ouais, c'est voilà. Important. Non, bon, plus sérieusement, sinon j'ai deux recommandations. C'est la Passion d'Anne-Catherine Emmerich. Moi, c'est l'une de mes saintes. Bon, c'est une vénérable préférée. C'est un film de 1969 que j'ai regardé en boucle quand je me suis converti. C'est pas très connu d'ailleurs. Et après, il y a un autre film, moi, qui m'a vraiment marqué, façonné toute ma psyché d'une certaine façon, c'est Matrix. Alors bon, c'est pas vraiment, il n'y a pas des scènes moralement horribles, et il y a toute une symbolique quand même qui ressemble beaucoup, beaucoup au christianisme. En fait, il y a des références explicites qui sont faites, notamment le vaisseau principal qui s'appelle le Nebuchadnezzar, le héros, c'est en gros le sauveur qui meurt à la fin, qui ressuscite. Bon, ça m'a appris, je pense, Parce qu'en fait, le monde dans Matrix est faux, en fait. On vit dans un monde de mensonges. L'esprit, en fait, est emprisonné dans le mensonge de la Matrix, dans la matrice, ce qui est un peu un équivalent avec la société actuelle. En fait, les gens, ils vivent dans un esprit de mensonge. La Matrice est un système, Neo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout ? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. C'est sûr qu'il faut avoir une forte... être en contact avec le contenu purement chrétien, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une forme de... de frilosité et de ne jamais vouloir confronter en fait son enfant avec le monde pas tel qu'il est, mais disons par exemple avec les humanités, avec le talent vraiment naturel à l'état brut qui parfois n'est pas forcément chrétien. Sur la littérature, c'est vraiment la base de l'éducation, ça doit être les humanités. C'était avant la conversion des païens, donc il n'y a pas vraiment d'équivalent en fait dans la littérature latine. Et je conseille pas de tomber dans une frilosité parce que c'est comme pour les maladies en fait. Si vous rentrez jamais en contact avec quelque chose qui met au défi votre organisme, il va pas apprendre à lutter. Et après, une fois que vous allez vous être lancé dans la nature, quand vous allez devenir adulte, vous n'allez pas développer les anticorps et vous allez tomber plus facilement. Donc je pense qu'il faut mettre en contact ces enfants de manière raisonnée, plutôt par le livre, et je conseille en particulier la lecture en commun. Moi, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé connaître, c'est-à-dire voilà, on prend un livre, la mère prend un livre et on le lit ensemble et on s'arrête et on l'explique. On n'a pas besoin d'avoir un écran dans le salon, et ça, je trouve que c'est beaucoup plus nutritif pour l'esprit, pour l'âme des enfants et pour la vie de famille, parce que souvent les gens ils disent oui, on va regarder la télé parce que sinon on fait un truc ensemble. Mais est-ce que t'es vraiment ensemble quand tu regardes la télé? Ouais, ok, t'es assis à côté, mais je pense que lire un livre ensemble, c'est beaucoup plus, ça rapproche beaucoup plus. Donc je conseillerais plutôt ça. L'écran capte toute l'attention, ouais, c'est clair. En inoffensif, si madame veut, pour les enfants aussi, bah vous avez des comptes hein, quand même, hein, le chaboté ou je ne sais quoi, enfin la liste ne s'arrête pas, là, entre les comptes allemands, britanniques, français, vous avez de quoi faire. Hein. Ça peut être tout à fait bon, voilà, bon principe humain et voire même chrétien. Je pense à un dernier film réalisé sur le Padre Pio en deux parties qui est vraiment excellent, il est sorti là il y a 2-3 ans. Il est vraiment très très bon. Donc, voilà. Mais après, voilà, comme dit Zinko, si vous pouvez éviter de mettre vos enfants devant les écrans, et même vous-même, eh bien, c'est beaucoup mieux comme ça. Je pense qu'on fera une petite liste hein, de tous les films qu'on a évoqués, ce sera plus simple. Les enfants en bas âge surtout. De Ligny sur le triomphe de la volonté et la victoire de la foi. Mais bon, on reste dans le même thème, Zinko. Oui. Bon, en plus, sauf qu'il y a la trilogie de Sicile Impératrice aussi, qui peut être pas mal. Actualité, l'Empire autrichien, hongrois et tout. Bon, ça fait s'évader et ça reste chrétien. Et les films de Vichy aussi. C'est pas... Ouais, c'est, ouais, Force sur, voilà, Force occulte et ouais, quelques autres. Je dis merci, puisqu'on parlait d'Odyssée, je dis merci aux contributeurs qui nous ont envoyé des tokens récemment. Je pense à 1488, Tonton est innocent, toujours lui, excellent pseudo. Et Covid-1984 qui nous a envoyé des tokens, et je reprécise, ce n'est pas de l'argent, d'ailleurs nous ne voulons pas d'argent, absolument pas. C'est, en gros, c'est des points que les personnes cumulent parce qu'elles sont actives sur Odyssée, et ils nous donnent ces points pour pouvoir populariser les podcasts. Donc merci à eux deux, et on peut enchaîner. Il n'y aura pas, nous pouvons préciser, donc de demande de 50€ mensuels pour des pantalons et une jambe. Non voilà, on ne fera pas ça, personne ne pourra nous appeler pour 200€ de l'heure. Nous ne sommes pas des... Putain ! Ceci étant dit, on va passer sur un dernier sujet qui va plaire, je crois, à Elzinko et pas que. On a envie de parler un peu de cette droite européenne pro-juive qui est assez insupportable et vraiment très, très, très pro-juive. On a retenu deux noms, on va pouvoir en parler de manière libre hein, pendant environ une petite demi-heure, sur des gens qui se présentent à droite, très à droite, qui d'ailleurs dans les médias sont classés directement à l'extrême droite quand on écoute n'importe quel torchon, le type Libération, Le Monde, même Le Figaro, hein, si vous voulez, et qui en fait, dans les faits concrets, pratique une politique assez molle et surtout très très dure par contre lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts d'Israël. Il y a deux noms qui reviennent comme ça. Viktor Orban un peu, c'est vrai qu'on peut, on peut en parler. Et surtout un dernier là qui émerge et qui est assez énorme. Javier Milei, donc le président argentin, qui, j'ai envie de commencer dessus, qui est fou. D'ailleurs, son surnom, c'est El Loco. Il a l'air complètement taré, ce type. Bah, en fait, c'est un phénomène mondial, en fait. Tu dis européen, mais c'est vraiment mondial. Ouais. Après, tu l'as dit avec Milei. Il y a eu aussi, au Salvador, là, aussi un nouveau dictateur, entre guillemets, de droite, là, Bukele. Qui est aussi palestinien, qui est marié à une juive, retrouve devant les murs des lamentations. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un phénomène mondial au niveau de toutes les droites un petit peu populistes qui montent dans le monde, que ce soit voilà, en Amérique du Sud, avec au Salvador, en Argentine... au Brésil, après on a même Trump, hein, qu'on peut un petit peu aussi rattacher de ce côté-là. Mélanie. Oui, Mélanie, même l'AFD, si j'ai compris. Voilà. En France, bon, c'est caricatural avec Zemmour, Marine Le Pen, CNews et tout ça. Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Moi, pourquoi ? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Tu dis que tu les comprends. C'est que j'ai dit je comprends. Il comprend les Palestiniens. Non, il n'a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal ? Comment ? Tu préférais que je dise ça ? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non, mais c'est une révélateur. C'est la réalité. Bien, d'accord. C'est l'État qui veut tuer Israël. Donc, il y a vraiment une forme d'opposition à l'intérieur de la juiverie, même si au final ils sont d'accord pour dominer le monde, hein, mais bon, il y en a qui veulent passer par cet état fantoche d'Israël. Et la condition, si tu es un nationaliste, si tu veux arriver à avoir quelques succès dans ton pays, à être élu, etc., pour avoir une audience, c'est de s'allier aux juifs et à l'extrême droite israélienne, et au final d'être contrôlé par les juifs, parce que tu perds ta... C'est comme un pacte avec le diable, en fait. Y a le pèlerinage, hein, qui est obligatoire. Y a notre ami Milei, en fait, qui a un rabbin. Voilà, je tenais à le dire. Il a un rabbin personnel qui le suit partout, qui est son guide spirituel. Ouais, j'avais une blague à placer. C'est un mème que j'ai vu traîner sur Internet. Parce qu'en fait, Joe Biden aussi a un rabbin. C'est pas une blague, il a vraiment un rabbin comme conseiller spirituel. Alors que Joe Biden, comme Javier Milei, je sais pas comment on dit, se définissent ouvertement comme catholiques. Alors, c'est voilà, Joe Biden apparemment un rabbin en conseiller spirituel, et donc c'est les cardinaux, ils s'intéressent à cette histoire, et puis ils s'adressent au pape François, ils disent « Votre sainteté, apparemment, Joe Biden, il a un rabbin, c'est catholique ça ?» Et le pape François répond « Je sais pas, faut que je demande à mon rabbin. » D'accord. Ben, c'est intéressant parce que Milei, j'ai vu une interview où il y avait Tucker Carlson qui allait l'interviewer. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un lien avec Tucker Carlson, il va interviewer les gens qui sont liés à tout ça. Et il crachait sur Bergoglio en le traitant de communiste. Et entre-temps, donc, bon, il s'est bien installé en Argentine. Il a fait un voyage, un pèlerinage en Israël où non seulement il est allé au mur des lamentations, pas pour prier, mais il a pleuré. Il a mis les yeux, il allait pleurer littéralement. Ah oui, c'était pathétique. Oh là là, la honte. Bien sûr, j'ai de la peine. C'est horrible. Enfin, on vous traite d'antisémite. Les trucs. Merde. C'est... Je suis pas antisémite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison. Et non seulement il a pleuré, mais il a appelé à la construction du troisième temple et à la venue du Messie. Et après, juste après, il a rendu visite à Bergoglio et d'un coup, il est pote avec Bergoglio. Donc, je pense qu'il a établi un lien entre les deux. Il a dû se rendre compte qu'après tout, ça allait. Ouais, bah c'est... En fait, tu peux pas être nationaliste, en gros. Si tu veux être nationaliste, t'es phagocyté par la juiverie, et par définition, bah, ce sera pas un nationalisme blanc, parce que la juiverie, elle peut jamais laisser les blancs être maîtres chez eux, sinon, bah, elle dégage, quoi. Ils le savent très bien. Milei, il a fait vraiment du zèle, puisque Je crois qu'une de ses promesses de campagne, c'est quand même assez fou, c'est de faire un premier voyage diplomatique. Son premier voyage diplomatique, ce serait en Israël ou à Jérusalem, je ne sais plus, il avait dit. C'est hallucinant quand même quand on y pense, il est président argentin, il promet des choses à des gens qui ne sont pas des argentins. Quoi. Bah, c'est la maison mère, hein, voilà. Les catholiques s'adressent à Rome et là, le Javier Milei à Israël. Quoi. Comme disait Saint-Augustin, Rome a parlé, là c'est plutôt Israël a parlé. Quoi. L'argentin moyen, il ne sait pas foutre Israël sur une carte. Hein. Mais lui, il sait. Hein. Ravière, lui, il sait. Il n'y a pas de problème. Il connaît le chemin. Ouais, donc cet engouement un peu pour les droites populistes, bon, bah, c'est le sentiment d'échec des mouvements nationalistes ou des choses comme ça dans le temps, sur les décennies. Jean-Marie Le Pen en France ou des choses comme ça. Donc ça dégoûte un petit peu. Et comme il y a des petits bons aspects ici ou là chez Trump, voilà, qu'on peut trouver un peu sporadiquement. Bah, on va se limiter à ça, on va se raccrocher à ça, mais en fait, c'est une chimère. Alors, pour le cas de Javier Milei, d'ailleurs, c'est moins bon que Trump, pour le coup. C'est encore plus vulgaire, c'est la mémification du politique à 100%. Les journalistes gauchistes l'assimilent à Trump, mais en fait, il est, je sais pas, très anarchisant, et archi-capitaliste. Il veut limite supprimer la Banque d'Argentine. Voilà, il veut supprimer la Banque d'Argentine pour mettre en place la Banque américaine, et en fait... Cette extrême droite, de plus en plus, comme la gauche est tyrannique d'une certaine façon, et qui se définissent à droite, conservateurs, ceux qui conservent la lettre morte, ils sont de cette extrême droite libertaire, vous savez, ceux qui défendent tout le temps la liberté d'expression. On peut le comprendre quand on est attaqué de revendiquer un tel principe, mais en fait, pour les catholiques, c'est indéfendable, notamment l'expression voilà, de l'hérésie, du péché, des choses comme ça, on ne peut pas le permettre. Et là, comme vous le dites, bah, c'est le pays... qui est l'Argentine, qui est ce qu'il est. C'est un pays sud-américain, mais dont le niveau est a priori à peu près comme celui des Occidentaux. Hein. Il y a une forte immigration allemande et italienne, entre autres, ce qui fait que c'est un pays, bon, il y a un relatif métissage, mais assez blanc aussi. Oui, enfin, c'est pas une immigration qui est dérangeante. Hein. Ça ne dérangerait pas d'avoir, comme ça, demain, 10, 15 millions d'immigrés européens en plus. Ça pourrait peut-être nous rendre service. Hein. Ouais, c'est une immigration de qualité, c'est vrai. Ouais, ouais. Et beaucoup, si vous avez suivi un petit peu cette actualité, d'ailleurs, vous remarquerez qu'ils disent en Argentine, ah oui, le péronisme, je ne sais plus si c'est le deuxième parti ou un truc comme ça, mais quand même assez essentiel. En fait, on pourrait se dire, tiens, mais c'est Evita Perón, c'est-à-dire qu'il y a un néofascisme assez conséquent en Argentine. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est un petit peu comme tous ces partis de gauche et de droite en France qui se disent gaullistes. C'est un petit peu le gris-gris, on le sort, ça n'a aucune signification parce que bon, s'ils étaient gaullistes, ils seraient au moins souverainistes, on va dire. Or là, ils sont contre et ils soutiennent l'Union européenne et des choses comme ça. Donc là, c'est exactement ce péronisme-là. C'est un terme de facette. Socialisme dégénéré, enfin ça n'a rien à voir, et en plus ils sont pas hostiles à cette mainmise anglo-saxonne, bien au contraire. Donc là c'est le péronisme et Javier Milei pour le coup en pleine communion, et en pleine communion devant le mur des lamentations, un petit peu comme Gianfranco Fini avait un peu initié le pas en Italie, et lui en foutant en l'air le fascisme italien historique, hein, quand même. C'était le MSI qui le défendait avec Giorgio Almirante pendant des décennies après-guerre et tout ça contre vents et marées. Donc lui avait fichu en l'air le fascisme, et qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il va au mur des lamentations. Alors il a peut-être pas pleuré quand même, il a peut-être pas fait autant de cinéma, mais voilà, toute cette droite populiste avec Viktor Orban et plein d'autres, à chaque fois c'est la même chose, c'est il passe par la maison mère, le ticket de validation et tout ça, et en soutenant le Likoud qui est quand même extrême droite, beaucoup plus extrême droite que quoi. Ils feront pas avec un peuple ce que eux font avec les Palestiniens. Pour le coup, c'est le programme nazi, enfin c'est le programme nazi quoi, le Likoud, hein. Mais bon, pro-juif quoi. Mais ton sang est vraiment pur. Je suis pas juif en tout cas. Pour le coup, eux, ils sont vraiment maîtres chez eux quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais, c'est nazi, anti-nazi, nazi, enfin, on sait plus, mais les deux, quoi. Je me sens plus excité par Adolf Hitler. Ils se disent, si jamais je fais bien la lèche envers le Likoud, ils vont me laisser adopter la même politique chez moi en Europe. Ah, oui, mais non. Pas de bol. On parlait de Thaïs et j'ai des ressorts identitaires. Donc, de l'avocat de Damien Rio, c'est Godnadel. Ah, désolé, Damien, mais dissous. Dissous. Non, ça marche pas. Ça ne marche qu'en Israël. C'est comme ça. Tu peux pas. Sinon c'est raciste et c'est méchant. Quand Israël fait, c'est gentil, c'est pas pareil. Alors le Hezbollah, on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est une organisation classée terroriste. Donc malheureusement, ah non je peux pas, c'est en France. Mais non, c'est pas... ils ont été classés terroristes. Alors je ne sais pas qui fait le classement, c'est vrai, parce que je ne sais pas comment ça marche, ici les matchs à l'extérieur qui comptent double, je sais pas. C'est gentil parce qu'on n'est toujours pas sorti de la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression d'être encore un pays en guerre d'ailleurs, et que le national-socialisme, 80 ans après, est encore mort, puisque toutes les bêtises qui ont été dites sont maintenues comme validées, alors que sur la Première Guerre mondiale, il y en a eu plein. Dès 1920, aucun Français y croyait, genre les balles allemandes ne faisaient que des bleus, voire ça faisait même pas des bleus et tout ça. Il y a des tas de bêtises qui ont été dites pendant la guerre qui sont maintenues, alors que normalement, au bout de quelques années, décennies, bon, ça se dépassionne un peu, on se calme un peu, et même si on critique, on reste raisonné, quoi. Bon, là, la raison a déserté le terrain, et ouais, non, tout ce qui serait nationalisme, ersatz de nationalisme émanant d'un blanc, c'est tout de suite Adolf Hitler et donc condamnable par le tribunal de Nuremberg. Ouais, bah, en fait, il faut comprendre qu'il est dans l'intérêt de la juiverie que les Blancs ne soient jamais maîtres chez eux. En fait, ces gens-là sont toujours en minorité, ils sont répandus un petit peu partout dans le monde, donc ils ne pourront jamais faire face à un pouvoir politique fort qui mène une... Qui défend sa nation qui défend le bien commun de sa nation face aux objectifs de la juiverie qui, elle, est à une vue mondiale parce qu'ils sont sécession, ils ont la diaspora, ils sont répandus comme ça et ils ont un agenda qui est mondial, qui, pour leur point de vue, favorise leurs propres intérêts et qui, forcément, va rentrer en contradiction avec le bien commun d'un pays. Ils craignent, le juif craint l'homme blanc. En fait, tout simplement pour des raisons historiques, parce qu'il sait qu'il est capable de le mater. On en parlait la dernière fois, mais d'où la haine en fait du salut nazi. Parce que cette haine, en fait, elle date pas de la Seconde Guerre mondiale. Le salut nazi, c'est le salut romain, et cette haine, elle a commencé dès l'opposition qu'il y a eu entre les Juifs et les Blancs via l'Empire romain. Donc, on ne peut pas faire d'alliance avec ces gens-là, c'est une erreur. Quoi qu'il arrive, vous serez perdant, vous aurez des facilités au début pour faire une campagne et pour avoir du retentissement, mais si dès le début, votre mouvement politique, il n'est pas fondamentalement fait par des hommes blancs autochtones, et pas des femmes, hein, par des hommes blancs autochtones pour des hommes blancs autochtones, en expulsant toute influence juive, vous n'avez aucune chance de reprendre le contrôle de votre pays. Vous allez pouvoir avoir une faveur qui vous est faite, allez, peut-être au lieu d'avoir 500 000 migrants, j'en aurais 200 000 grâce à Zemmour, mais c'est tout. Voilà, c'est ou vous pourrez vendre des pantalons non slim au prix de 50 euros mensuels à des simps. Ils sont faits pour être achetés et revendus, il ne faut jamais les ouvrir, hein, en effet. Sauf à Christian, enfin, il y a Moshe, Salomon, machin, mais Christian à la fin. Christian. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » Je ne suis pas raciste, mais les fourchus, hein, ils ont toujours su faire de l'artige. De ce côté-là, ça a toujours été des calors. Ouais, il aurait pu presque employer le prénom Christophe qui porte le Christ, mais c'est pareil avec Christian du reste. Il a changé les noms chez Ardisson, c'est ça, d'où le... Il avait demandé de refaire la blague, je sais pas si vous avez vu ça. Ah non. Ouais. Si, non, il avait refait la blague sur un plateau télé, je crois que c'est chez Ardisson, mais oui, il a refait la blague, mais il a modifié, en fait, il a enlevé tous les noms juifs et le nom chrétien à la fin. Oui, parce que la première fois, il l'a fait avec sa kippa, avec les gens de sa communauté, donc voilà. C'est l'histoire des deux frigos, hein, toujours. Ouais, bah, il faut se rappeler que pour le juif, nous n'avons pas d'âme, hein. Il n'y a que lui qui a une âme divine, et vous êtes un descendant de démons. Ah, je suis désolé pour tout à l'heure, j'ai été affreusement maladroit. Mais ne vous inquiétez pas, je saurai me faire pardonner. Mais n'en parlons plus, l'incident est clos. Notre peuple a toujours nourri beaucoup de fantasmes. Ah ben voilà, merci de le reconnaître. Enfin, comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Hein, c'est vrai, ça. Leur âme est au-dessus de celle des anges. Il vaut mieux insulter un ange, voilà, c'est moins péché. C'est moins pécamineux d'insulter un ange que d'insulter Moshe de la communauté. Quoi. Bah, il est Dieu. Il est Dieu. Donc voilà, c'est fini. Hein. Oui, alors que l'ange, c'est vrai que bon, il a un bon rôle, une belle nature, mais il honore Dieu aussi, comme nous, sans la nature humaine. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur dans cette histoire de judaïsation de ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est qu'en France, on avait toujours eu une extrême droite, en tout cas des mouvements nationalistes, qui étaient vraiment antisémites. Hein, même l'Action française, voilà. Et aujourd'hui, bah, effectivement, on a beaucoup de mouvements, en tout cas des ersatz de mouvements comme Génération Identitaire, qui sont complètement soumis au lobby juif, à tel point qu'ils partagent des activités avec la LDJ, donc la Ligue de Défense Juive. La LDJ avait assuré le service d'ordre de Marine Le Pen contre des juifs de gauche, quoi. Bref, voilà. Donc si on est vraiment tombé bien bas. Et aujourd'hui, bah, en France, en fait, il y a très peu de nationalistes, bien sûr, qui se réclament du national-socialisme et du fascisme. mais encore moins qui sont antisémites, en fait. Anti-juifs, anti-sionistes, anti-Israël, comme vous voulez, hein. Mettez le terme que vous voulez sur cette réalité. Qui, aujourd'hui, en France, est anti-juif? Qui? Chez les nationalistes. Même l'Action française que tu as nommée, il y a une dissidence, il y en a deux, mais pour celle, a priori, voilà, qui existait antérieurement... La conventionnelle, c'est... quoi. L'Action française. Voilà, voilà, c'est l'Action française moins Charles Maurras. Voilà, c'est genre, on aime bien Maurras parce qu'il a parlé d'État, d'autorité, d'hiérarchie. Exit le combat contre les protestants, les francs-maçons, les juifs. Et voire même le rapprochement avec Vichy. Ouais, mais c'est parce qu'ils veulent, ils veulent une place pour leurs fesses dans la démocratie. C'est aussi simple que ça. En fait, tu peux pas. C'est le problème de la démocratie, quoi. Il y avait raison, Céline, c'est le paravent de la dictature juive. Tu peux pas rentrer dans la démocratie. Moi, je pense que même sans Marine Le Pen, le FN serait devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce que c'est la démocratie qui te force à adopter son système de valeurs. Sinon, tu es automatiquement expulsé. C'est l'erreur fondamentale de faire de l'entrisme, de vouloir rentrer dans le système. C'est la même erreur, à mon avis, qu'ont fait les catholiques libéraux en pensant que c'est par, en étant plus libéral que libéral, qu'on va arriver à catholiciser la société. Sauf qu'en fait, à partir du moment où tu rentres dans une société libérale, tu déchaînes quoi? Le juif. Il a dit oui, le communautarisme, il a désigné le CRIF, le Conseil représentatif des associations. Mais il n'y a pas aucun communautarisme juif. Et la puissance de l'argent. Et le problème, c'est que ça domine tout. C'est plus fort que même l'enseignement privé que tu vas pouvoir faire. Ça prend le dessus surtout dans ce système. Tu peux... c'est un réflexe pavlovien, en fait, de survie de la société un peu 68arde, où il faut dire, faut répéter constamment « Hitler, c'est le mal ». Je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Mérel en parle bien, en fait. C'est une unité toute négative, en fait. Ils n'ont pas d'idéal commun, ils ne communient pas dans la vérité, qui est vraiment unitive. Ils sont tous dans une approche subjectiviste, donc chaque subjectivité a sa propre vérité, ses propres valeurs. Donc il n'y a pas d'unité, en fait. Et la seule unité, c'est de s'opposer à un ennemi commun, donc Hitler. Du coup, le conseil qu'on peut donner un peu aux jeunes qui nous écoutent, qui sont militants dans tel ou tel mouvement, c'est aller demander à vos responsables de mouvement ce qu'ils pensent des juifs. Et vous serez fixé si, du coup, vous pouvez rester dans ces mouvements ou pas. Si vous entendez un prout, ça veut dire que vous ne pouvez pas rester, hein, évidemment. Voilà, et donc rejoignez-nous, les gars. On peut rappeler quand même, Viktor Orban a posé un veto vis-à-vis d'une sanction qui avait été initiée par l'Union européenne contre Israël, parce que Israël est en train de faire vraiment un génocide, hein. Il faut vraiment le rappeler, là ils ont massacré. Non, c'est pas un génocide, pensent les juifs, c'est bien. C'est bien, oui. Oui, non, mais c'est le devoir de se défendre. Attends, ils sont méchants, moi j'y suis allé après des bombardements, les mecs ils bombardent tout le monde là. Comme ça, on sait pas, la guerre préventive, en plus toi le mec, les faux culs, les menteurs, guerre préventive. Le mec il balance tout ce qu'il peut, il n'y a plus rien, mais c'est préventif. L'Israélien, il est menteur. Et la guerre propre, il fait. Alors, c'est pas propre au sens où il y a moins de sang sur le champ de bataille. Hein. Il y en a autant. Il faut des bottes, sinon t'en as plein les chaussettes. Mais c'est propre au niveau, je dirais, moral. C'est-à-dire, l'Israélien, il va faire la guerre. Ça va. Ça va. Ça va, Moshé? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est propre, cette guerre. Oui, oui, oui, oui, d'accord, le devoir de faire un nettoyage ethnique. Ils ont tué plus d'un pour cent de la population totale et ils ont détruit plus de 50% des infrastructures. Donc, il y a plus de. En fait, ils détruisent tous les bâtiments. Leur stratégie, c'est de repousser les. En fait, de vider la région, de vider Gaza des Palestiniens. Là, il y a tout le monde... Ils veulent les vider chez nous, d'ailleurs, au passage aussi. Ils veulent les vider chez nous, d'ailleurs, au passage. Ils veulent les Palestiniens. Oui. Accède à l'Europe et aux États-Unis. Bah là, ce serait plutôt en Égypte d'abord, mais parce qu'ils les ont tous bloqués à Rafah. En fait, ils leur ont dit oui, vous pouvez tous partir et aller dans une ville au sud, nous on attaque que dans le nord, etc. Une fois qu'ils étaient tous au sud, ils ont annoncé bon, ben, on va lancer une attaque contre Rafah. Et bon, il y a eu une, je ne sais pas comment ça s'est passé à l'Union européenne, mais bon, ils ont voté quelque chose. Et le seul veto pour qu'il n'y ait pas de sanctions, ça a été Orban. Il faut quand même le rappeler. On est d'accord que Viktor Orban, c'est vraiment le Shabbat Goy principal des Juifs en Europe. Quoi. C'est vraiment, on a pas mal de camarades. Hein. Oui, mais regarde la Hongrie de Viktor Orban, la tradition, le ci, le là, blablabla. Oui, mais non, les gars, non. Il est complètement soumis aux Juifs. Et les Juifs, ils vont lui dire, tu construis trois synagogues en Hongrie, il va le faire. Il va mettre des Juifs à des postes de responsabilité, etc. C'est un juif de synthèse, en réalité. Oui, le pays, il est déjà dominé. Comme en Pologne, moi, on m'a beaucoup dit oui, il va déménager en Hongrie, etc. Bon, en Pologne, c'est super. Pologne, c'était pareil. Là, aujourd'hui, on a vu, là, ils ont les pro-européistes qui sont arrivés, ils sont pris je ne sais pas combien de migrants dans la gueule, et voilà, ils sont partis. Quoi. C'est qu'une question de temps. Pour la Hongrie, c'est pareil. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette émission. Je crois qu'on a abordé plusieurs sujets intéressants, notamment la question du féminisme qu'on a bien élargi. Je vous dis au mois d'avril, et j'ai une petite demande particulière à faire, c'est que si vous avez la possibilité de prendre des extraits de Rémus, de les balancer un peu partout à droite à gauche, sur les réseaux sociaux et peut-être même sur YouTube, bah écoutez, faites-vous plaisir, mettez un petit lien, ça nous arrangerait. Et je vous dis au mois d'avril, à bientôt les gars. Somewhere